c'est Ella pour Intimité Partagée, le podcast où je m'invite chez des gens pour leur faire parler d'intimité. Aujourd'hui, je suis avec Kenza. Coucou Kenza! Bonjour Ella! Bonjour tout le monde! Alors Kenza, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on présente ta chambre? Oui! Donc je m'appelle Kenza, j'ai 20 ans maintenant. C'est bizarre parce que dans ma tête j'ai encore 19 ans en fait. C'est difficile pour moi d'assimiler les âges à chaque fois. Donc j'ai rencontré Ella cette année, en fait depuis septembre. On est dans la même classe. Et ben voilà, pour l'instant ça matche plutôt très très bien entre nous. Et comme Ella, j'ai fait une prépa littéraire avant d'aller à la fac. Et les trois choses que j'aime le plus dans la vie, ce sont... Parce que je pense que c'est une bonne manière du coup de m'introduire. Ouais, vraiment. Le fromage. tout ce qui est beau en général. Et mon anniversaire. Voilà. C'est vraiment les trois choses que j'aime le plus. Tellement adorable. Ok. Ok. Donc maintenant que tu t'es présentée, c'était une très belle présentation. On va décrire ta chambre. Oui. Donc moi, je veux commencer par dire que tu as les nénuphars sur ton mur. Oui. Vraiment. Ah. Donc c'est un des 8 tableaux qu'il y a au musée de l'Orangerie à Paris. Et je ne sais plus le nom de celui-ci. Ça doit être celui des qui s'appelle, enfin qui a le nom Sol, genre comme Sol pleureur, dans son titre. Et j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est tellement immersif, et juste le musée de l'Orangerie, c'est un musée incroyable, donc si vous avez l'occasion d'y aller, genre allez-y. Ouais, j'aime énormément les couleurs aussi, c'est très très doux. Mmh. Et il y a beaucoup de tableaux comme ça, enfin de peintures, enfin de posters de peinture, voilà. qui sont vraiment très chouettes. C'est-à-dire qu'en fait, ma chambre c'est un peu mon petit musée. J'aime tellement les images et la peinture, mais surtout les images en général, que j'aime avoir au mur en fait toute l'iconographie qui me parle, et donc j'aime, donc du coup j'ai l'habitude, mais c'est une habitude relativement récente tout de même. Quand je fais des musées et que vraiment j'ai flashé sur un tableau, ben, soit de l'acheter en mode petite carte postale ou alors poster, parce que ça recrée vraiment une ambiance dans ma chambre et c'est aussi incroyablement inspirant en fait. Et du coup en fait, désolée je dis en fait, ça devient tellement familier à force que c'est extrêmement rassurant. Voilà. Ouh, trop mignon. Ok, est-ce que j'ai autre chose à te dire? Il y a beaucoup de livres. Il y a une édition de la Pléiade de Camille. Oui, j'ai un livre de la Pléiade. Quand même, on le remarque. Et des peluches, oui. J'en vois trois là, donc c'est quand même... Oui, j'en ai trois, mais en vrai, il y a eu des fois où j'en avais vraiment beaucoup, beaucoup plus, mais c'est juste que pour dormir, enfin j'ai commencé à plus bouger dans mon sommeil, et donc du coup pour dormir c'était plus possible, mais il y a vraiment une période où genre j'en avais 10 peut-être sur mon lit. Donc en fait il y en a plein dans mes placards, mais voilà, là il y en a que trois actuellement. Ok. Dont une qui me sert un peu d'oreiller, voilà. Trop mignon. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là on est dans ta chambre, oui. Et donc chez tes parents. Oui. Et pas dans un appartement. Et elle a roulé des yeux en les levant aussi. Tout à fait. Et comment tu te sens d'être dans cette chambre et de pas être chez toi entre guillemets? Alors ben justement c'est ça que j'ai voulu recréer. Genre j'ai un rapport extrêmement intime avec l'espace et notamment ma chambre en général. Enfin oui, parce que du coup quand j'étais en prépa Angoulême j'avais un studio, mais un studio du coup comme c'est une pièce c'est un peu l'impression d'être une chambre, donc j'ai toujours vécu mon espace à moi comme un espace unique et homogène du coup. Mais c'est à dire que l'espace, enfin le lieu de ma chambre pour moi c'est une extension de moi, donc du coup j'ai vraiment besoin de m'y sentir bien. Je pourrais pas vivre dans une chambre toute blanche comme un de mes frères a une chambre absolument dépouillée pratiquement de... Enfin, il n'y a rien au mur, c'est assez impersonnel, etc. Moi, j'ai vraiment besoin de mettre des petites lumières, des choses au mur. Là, j'aime bien cette chambre parce qu'elle est assez petite, mais je m'y sens bien contenue en fait. Et du coup, non, celle-là, je l'aime vraiment bien en fait. Je l'ai vraiment fait voilà, de telle manière, de manière à ce qu'elle soit à la fois réconfortante et bienveillante. Mais c'est assez bizarre de te dire bienveillante pour une chambre, mais c'est vraiment ça que je ressens. Et voilà. Oui, c'est ce qu'on ressent quand on arrive, je trouve aussi. Enfin, moi, quand je suis arrivée, j'étais de suite apaisée et je me suis sentie bien de suite. Donc, je comprends pourquoi tu dis bienveillante. Ouais. C'est un effet englobant. Oui, voilà, c'est ça. Et tu te sens comme dans un petit câlin. Hein. Mm. Surtout les guirlandes. Oui, on n'a pas mentionné les guirlandes. De très jolies guirlandes. Et surtout, ce qui était très important pour moi, c'était qu'elles ne soient pas blanches. En fait, les murs sont vert olive, mais un peu pâle. Genre, des fois, on pourrait croire que c'est gris, mais en fait, non, c'est vert olive. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, genre, cette couleur, j'y tenais vraiment parce que ça me fait penser aux oliviers et j'adore les oliviers. Vraiment, c'est un arbre incroyable, je trouve. Surtout que le reflet des feuilles, des fois, on a l'impression que c'est gris perle, des fois, c'est un peu vert. Enfin, bref, ouais, j'aime bien cette couleur. Et ben, je trouve que ça crée une certaine chaleur, en fait, dans la chambre. Voilà, j'ai jamais regardé ma chambre avec autant d'attention que maintenant. Et je suis là pour ça. Merci. Ok, donc là, beaucoup de douceur. Je vais te poser des questions du coup un peu plus désagréables. Désolée, oui. Je coupe cette douceur. Je suis là pour partager mon intimité, agréable ou non, pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes liés. Voilà. Donc du coup, ouais, le fait que tu sois dans cette chambre et que tu sois chez tes parents à côté de Bordeaux, donc du coup tu viens en voiture à chaque fois à la fac. Ouais. Et je voulais te demander, est-ce que tu ressens un décalage avec tes amis et les autres étudiants du fait de toi te déplacer en voiture et venir d'une maison de chez tes parents et d'être en contact qu'avec des gens qui ont des studios, des apparts ou des choses comme ça? Un décalage... On va dire que je ressens pas un décalage, mais je sais que je suis décalée. Je sais pas si la nuance est extrêmement claire. C'est-à-dire que j'ai intériorisé que le fait que c'était pas... J'avais pas la situation des étudiants lambda à la fac, puisque je suis chez mes parents et je viens en voiture. Mais c'est-à-dire que c'est pas un choix... c'est pas mon choix d'être chez mes parents. C'est un choix qui m'est imposé. Enfin, ça m'est imposé, voilà. Donc du coup j'essaie d'y penser le moins possible parce que c'est tout de même assez douloureux et que mais après quand j'entends quelqu'un dans la classe parler de son appart etc c'est pas pénible ou source d'un malaise pour moi parce que je sais que c'est comme ça et si je ramène sans arrêt au fait que moi je n'ai pas ça là je me ferais du mal pour rien en fait donc non en fait je me sens pas vraiment trop en décalage mais je sais que je suis décalée encore une fois et puis en plus quand j'arrive sur le parking de la fac et que je galère pendant une demi-heure à trouver une place, enfin pas une demi-heure mais voilà je sais que je suis pas la seule dans cette situation donc non c'est pas pénible au quotidien voilà. Ok. Est-ce que le fait d'être ici, ça constitue un obstacle dans ton développement, enfin toi personnellement, dans ton développement personnel je veux dire, est-ce que c'est un obstacle d'être dans la maison dans laquelle t'as grandi, ou est-ce que t'arrives quand même à évoluer tout en restant dans un endroit fixe? Alors... du coup, je te l'ai dit, donc je suis très... Enfin, j'ai une relation fusionnelle avec ma chambre et l'espace dans lequel j'habite. Mais en fait, donc on est 3 enfants à la maison et on a actuellement une chambre chacun. Sauf qu'il y a eu un roulement des chambres. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans chacune des chambres et pendant un certain temps à chaque fois. Et à chaque fois, les chambres ont été refaites, etc. Mais c'est-à-dire que la chambre dans laquelle est mon plus petit frère actuellement, c'était ma première chambre. Et j'y suis restée jusqu'à... mes 15 ans, quelque chose comme ça, et donc ça représente vraiment pour moi la première partie de ma vie, voilà, qui est complètement hétérogène, mais qui dans mon esprit du coup est homogène par rapport à cette chambre. Ensuite j'étais dans la chambre de mon moyen frère, on va dire, mon frère du milieu, et donc du coup ça c'est vraiment toute ma période lycée, et en plus c'est la chambre la plus grande qui a une salle de bain, etc. Donc j'étais très bien, c'était un confort matériel dans lequel je m'épanouissais, mais c'était pas la plus petite, donc j'avais un peu l'impression d'être quand même assez perdue dans l'espace. Et en fait celle-là c'est une chambre qui ressemble plus à la première que j'ai eue ici, et donc du coup maintenant que j'en ai vraiment refait mon espace plus que ce que je ne l'avais fait avec les autres chambres, je m'y sens très bien, mais ça reste difficile pour moi d'évoluer, sachant que je peux le faire bien que quand je suis seule à long terme dans l'espace, comme j'étais à Angoulême dans un studio vraiment, parce que j'ai beau m'isoler dans ma chambre etc, ça reste jamais le lieu d'une construction perpétuelle, parce que dès que je sors je me confronte forcément aux autres. Mais il y a quand même eu une évolution par ce changement de chambre, c'est-à-dire que quand je reviens chez moi le soir à la fac, j'ai pas l'impression de revenir à zéro comme quand j'étais au lycée, puisque c'est pas la même chambre, c'est pas la même ambiance, alors que si j'avais gardé la même décoration, le même lit, voilà, toutes ces choses en fait, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais là je vois que j'ai évolué en fait par ce changement de lieu. Mais ça reste compliqué de faire des choses durables et profondes quand en fait on se confronte forcément en fait à un rythme différent une fois qu'on sort de la chambre. Et aussi le truc qui me frappe le plus, c'est que, et ce dont j'avais le plus besoin quand j'étais seule, mon humeur ne dépendait que de moi. Si je rentrais de bonne humeur, je pouvais rester de bonne humeur jusqu'à ce que je me couche. Or ici, si quelqu'un a passé une mauvaise journée et donc est de mauvaise humeur, même si cette mauvaise humeur se transmet par une envie de ne pas parler, ou alors de la colère, enfin quoi, par quelques moyens qu'elle se manifeste, on s'y heurte toujours, et donc ça nous modifie forcément, même si on était de bonne humeur à la base. Donc du coup ça c'est assez compliqué à gérer pour moi, c'est-à-dire que même si j'ai envie d'être une entité autonome, en fait je suis toujours rappelée à ma condition de subordination aux autres en fait. Et donc du coup c'est ça, pour moi c'est impossible en fait d'évoluer de manière pérenne et dans le sens que je veux, dans la mesure où je me cogne tout le temps aux autres en fait. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que du coup l'autre pollue un peu ton état de toi toute seule. Voilà, genre, c'est tu ça. Peux être très saine, mais si tu te confrontes, bam, quelque chose de dehors, voilà, va forcément te heurter toi. Ok. Ouais, c'est sûr que dans une maison où t'es à plusieurs, t'es toujours confrontée à ça. Voilà, comme on est 5 en plus, ouais. Ça multiplie quand même le risque de collision. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que des fois ça t'épuise ? M'épuise. Non, parce que j'essaie quand même de garder, pas une certaine froideur, mais une certaine distance, dans la mesure où la mauvaise humeur des autres ne reste pas éternellement ma mauvaise humeur. Enfin, ça peut me polluer, on va dire, le temps d'un repas, mais je reviens très vite dans ma chambre dans ce cas-là. Et donc, du coup, j'arrive vraiment à dissocier et à avoir en fait une approche rationnelle de tout ça. C'est vraiment ça qui m'aide. Ok. Est-ce que ça, tu l'as appris progressivement ? Ou ça fait longtemps que tu arrives à faire ça ? En fait, j'ai pas trop un recul réflexif sur mes actions, mais je me rends compte en parlant, ou comme là, en posant des questions et tout. Donc, du coup, je pourrais pas vraiment répondre à ça. Ouais, genre, je sais pas en fait, je sais juste que c'est comme ça. Ok. Mais je sais pas si je l'ai appris ou okay. Si c'est en me confrontant, ou alors si c'est juste une réaction instinctive. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être ça aussi. Ouais. Parce que je sais que moi, dans ma maison, j'avais aussi ce truc quand j'y habitais, quand je me confrontais aux autres, mais moi par contre j'arrivais pas du tout à me protéger, c'est-à-dire Ouais. Que si le repas s'était mal placé, je pleurais toute la soirée, et même ma chambre n'était pas l'espace où je pouvais redevenir moi, j'étais juste impactée par ça. Et c'est le fait d'être partie qui a fait que maintenant, ça m'impacte toujours, mais moi, et je m'énerve moins de base en plus. Et c'est cette distance qui a fait que je vivais mieux mes relations avec ma famille. Et oui. Voilà, tu vois. Et est-ce que toi, tu penses que ça pourrait avoir... Parce que t'es partie à Angoulême quand même. Oui, et donc, du coup, ça se passait beaucoup mieux. Enfin, ouais. Parce que quand t'es partie, du coup, t'as que... le bon côté, quand tu appelles ta famille, on te raconte que ce qui va bien, et éventuellement si c'est grave ou si c'est important, ce qui va moins bien. Mais si tu veux, t'appelles l'autre parce que t'es content de l'appeler, tu l'appelles, ou alors parce que tu vas pas bien, t'es en train de pleurer, mais pour réconforter, mais toujours dans l'optique d'aller mieux une fois que t'as raccroché en fait. Et au quotidien, t'as tout. Et donc du coup, le téléphone permet de filtrer tout ça et d'avoir toujours du plaisir à se retrouver, que le quotidien tue littéralement en fait. Et donc du coup, oui, c'était une période très apaisée en fait à Angoulême, parce que je rentrais à peu près tous les 15 jours, des fois toutes les 3 semaines. Mais voilà, moi c'était un rythme qui me convenait assez. Ma maman me manquait quand même beaucoup, mais pas non plus... c'était pas non plus un manque paralysant en fait, voilà. Donc non, c'était vraiment chouette. Et ça te manque, tu penses ? C'est la solitude qui me manque énormément. Et le fait que je suis obligée de me caler sur un rythme à 5, alors que... c'est-à-dire que quand je rentre de la fac, il doit être à peu près 18h30, 18h45. Et je sais qu'on va manger vers 19h30, à peu près. Or, 3 quarts d'heure, c'est trop court pour commencer quoi que ce soit d'intéressant et de vraiment intense. Que ce soit au niveau des révisions des cours ou alors sur quelque chose de plus productif comme de la lecture ou d'autres choses, je sais pas, du dessin, regarder des images par exemple au hasard. Et voilà, et donc à Angoulême, si je rentrais et que j'avais envie de bosser 3 heures parce que c'est bon, j'avais chopé la bonne dynamique, etc. Et si je voulais manger à 22 heures après, c'était possible. Et là, voilà, c'est pas moi qui gère ma vie, en fait. Et c'est cette réelle subordination aux choses matérielles qui est pesante. Ouais. Ok. T'es pas obligée d'avoir des commentaires à chaque fois. Non, ouais, ma réflexion. Non, mais des fois, juste ok, d'accord. Non mais oui, enfin, t'as plus ta liberté d'action, enfin plus totalement, tu dépends d'un rythme qui t'est imposé, mais on retrouve ça aussi avec l'internat, enfin moi je l'ai jamais vécu, mais Sarah l'a vécu, et juste avoir des horaires pour manger, des horaires pour dormir, des horaires pour rentrer, je trouve ça terriblement angoissant, et j'ai le privilège de jamais l'avoir vécu, mais ouais, c'est une autre échelle, on retrouve un peu ça, et c'est vrai que ça enlève de la liberté, quoi. Je n'ai pas de moyen de rebondir. D'accord. Donc, je vais passer à une autre question. C'est pas grave. Après, j'aurais pu faire des petites pirouettes pour dire, oui, on parle de la famille, et du coup... Ouais, mais si c'est artificiel, ça se voit. C'est ça. Ça s'entend. Voilà. Donc, là, ce dont je voulais parler, c'était le fait que, même si tu vis chez tes parents, tu travailles toutes les semaines, tu donnes des cours pour avoir de l'argent. Et même, je trouve que dans ta façon de travailler, même pour la fac, il y a une certaine rigueur qui est évidente et qui, pour moi, c'est une preuve de responsabilité, de conscience de tes responsabilités, qui pourrait ne pas être là du fait de vivre chez tes parents, parce que souvent, on se repose souvent quand on peut ne pas avoir de responsabilité. Et je voulais savoir comment ça se fait que tu as cette conscience et que tu acceptes ces responsabilités-là. Ok, alors, je vais essayer de me souvenir de ta question initiale, mais il faut que je passe par un petit détour. En fait, je crois que le plus grand drame de ma vie actuellement, c'est de ne pas avoir ma liberté financière. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... Donc du coup, du fait d'être dépendante financièrement de mes parents, en fait, ça... Je pense que je me sentirais vraiment libre et... libre au sens abstrait, on va dire, et libre d'être moi-même quand j'aurai mes propres sous tous les mois et que j'en disposerai comme je voudrais. Mais là, pour l'instant, c'est mes parents, donc c'est la maison de mes parents, ce sont eux qui me payent à manger, qui payent l'eau, l'électricité, etc., etc. Et donc aussi, par ricochet, le fait que je puisse faire des études. Donc du coup, j'ai la conscience aiguë de ça tout le temps, enfin tout le temps indirectement à l'esprit, et donc je travaille pour avoir des bonnes notes parce que je ne supporterais pas de ne pas avoir de bonnes notes, mais aussi parce que ils investissent aussi de l'argent en fait sur moi, enfin pour moi surtout. Et donc du coup, me dire ok, en fait mes parents sont en train de payer pour moi, mais je fous rien. Enfin non, ce serait juste totalement irrespectueux par rapport à eux. Et surtout que ma mère travaille à la maison, donc elle est assistante maternelle. Et quand je commence plus tard ou quand je rentre plus tôt, je vois son travail, ce qu'elle fait. Elle galère quand même, enfin c'est difficile. Elle n'est pas payée des 1000 et des 100, donc jamais de la vie je me permettrais de pas travailler, rien que parce que je sais, je connais la manière dont elle gagne son argent en fait. Et mon père aussi, c'est pareil, quand il travaillait, enfin il y allait tôt le matin et c'était le dernier à rentrer le soir, donc en fait oui voilà. Et je comprends pas, il y avait des gens en prépa, donc les parents payaient l'appart, ils leur donnaient une somme qui me paraissait exorbitante juste pour acheter à manger tous les mois, et qui révisaient pas parce que voilà, ils avaient la flemme, et dans ma tête et qui faisaient rien d'autre à côté, tu vois, c'était vraiment moi j'ai la flemme, j'ai regardé une série quoi. Dans ma tête c'était waouh, mais déjà tu te respectes pas, et puis en plus tes parents, je sais pas ce qu'ils font comme métier, mais c'est jamais facile pour personne de travailler, enfin il y a forcément des jours où on n'a pas envie d'y aller. Et donc juste, même si t'as pas envie, tu vois, il y a une force de caractère, une force de travail à avoir quand t'es pas indépendant financièrement, quoi. En fait, c'est une sorte de dette que j'ai envers eux. Ok. Et que je me permettrai jamais de ne pas honorer entre mille guillemets, tu vois. Je comprends, mais... Enfin, je pense que t'en as conscience, que c'est rare. Enfin, que vraiment pas tout le monde a cette conscience. Et enfin, comment... Tu pourrais expliquer le fait que toi tu l'as. Enfin, qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que. Elle hausse les épaules. Je hausse les épaules. Audio guide. Comment je vais me sortir de cette question? Ben en fait, je sais pas, parce que du coup, je suis pas dans la tête des gens, mais je peux juste vous expliquer comment ça se passe dans la mienne. Et je pourrais pas trouver de justification à tout le monde, mais je sais juste que. Voilà, j'ai senti très tôt que l'argent c'était un enjeu important et que l'amour et l'eau fraîche ça suffit pas pour vivre. Mmh. Et je sais que l'argent c'est difficile à gagner et que c'est beaucoup plus facile à dépenser. Ouais. Mais voilà, parce que c'est difficile à gagner et parce que mes parents le dépensent d'une certaine manière envers moi, je sais pas, je pourrais pas... Enfin voilà, ils me donnent de l'argent qu'ils ont gagné eux, et qui pourraient... Enfin non, après tu me diras, si tu fais des enfants, tu te donnes les moyens de les assumer, mais quand même, enfin pour moi c'est pas naturel. Genre je sais que j'ai une copine qui dit ah ben c'est normal, c'est ma mère, enfin c'est normal qu'elle me paye ça, tu vois. Et après, bon ok, on pourrait tirer des conclusions hâtives en disant c'est une enfant pour y gâter, etc. etc. Mais il y a un côté un peu comme ça chez moi, en mode... Ben, c'est normal, c'est mes parents, ils me doivent quand même quelque chose, c'est normal qu'ils me payent de la nourriture, c'est normal qu'ils me donnent les moyens d'aller à la fac et de faire ce que je veux, mais il y a toute cette autre partie qui dit « Ouais, mais t'as vu comment elle a transpiré ta mère pour le gagner, c'est sous tu peux pas juste ne pas te lever le matin pour aller à ton CM chiant parce que tes parents ont fait cet investissement sur toi, en fait. » C'est de la reconnaissance, en fait. Aussi, non ? Oui. De ce qu'ils font pour toi. Ouais. Parce que moi, je l'ai eu tard, tu vois. Enfin, je sais pas depuis quand tu l'as, ça, toi ? Ben, vraiment, depuis Angoulême, quoi. Parce que là, en fait, c'était... Donc, je suis partie, j'avais 17 ans et demi, en gros. Et donc, c'est là que tu te rends compte vraiment de ce que t'as sur ton compte bancaire. Parce qu'avant, j'y avais pas accès. Je savais pas, ça restait très abstrait pour moi, l'argent. Enfin, j'avais que du liquide, quoi, mais là, vraiment, je voyais une carte, je voyais tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait. J'ai commencé à parler d'argent avec mes parents, donc il y avait une somme qui me virait chaque mois, et c'était à moi de la dépenser, c'est-à-dire, j'ai payé... Enfin, j'ai pas eu trop les discussions de j'ai payé le loyer, etc., ce mois-ci, mais même s'il y a 2 semaines de vacances et que tu seras à la maison, je t'ai quand même mis la somme de comme si t'étais un mois complet à Angoulême. Enfin, tu vois, des discussions de relations d'argent. Ouais. Donc, c'est là que j'en ai vraiment eu conscience. Parce qu'en plus, il me le disait clairement. Il me disait, ben voilà, avec l'argent qu'on te donne chaque mois, on te paye la cantine aussi, l'appartement, l'eau, l'électricité. Voilà, genre, on sort cette somme pour toi par mois, cette somme-là. En fait, voilà, j'avais une conscience très précise de ce que ça représentait et qui était complètement abstraite pour moi avant parce que j'étais juste une enfant à charge inclus dans le packaging de la maison. Enfin, et là, je me suis vraiment détachée en tant qu'entité. Ok, en tant qu'enfant, je vaux ça par moi en fait, pour le ménage familial, quoi. Et du coup, là, t'en as pris conscience. Oui, Ok. bah oui, beaucoup plus concrètement en fait. Mais c'est ça. Ouais. Ouais, je pense que. Enfin, je sais pas, je peux pas parler en généralité avec deux expériences, mais. Moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de reconnaissance envers mes parents que quand j'en suis sortie et que. Oui. Enfin, maintenant, je me rends compte que j'avais pris pour acquis C'est ça, ouais. beaucoup de choses qui, en fait, sont énormes à donner à quelqu'un, à un être. Et je trouve que c'est important. Je trouve déjà que c'est bien d'avoir de la reconnaissance. Je pense que ça leur fait du bien quand même. Et que c'est important au bout d'un moment de l'avoir. Ouais. Genre, tu dois te sentir bien quand ton enfant il se rend compte que t'es une charge pour lui alors que ça fait 20 ans. Il doit être... Les parents ils doivent être là en mode putain, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Après toutes ces années, C'est bien la ouais, c'est maturité quand clair. même. Je sais pas, du coup, je te dirai ça quand je serai maman, Inch'Allah. Non plus transition Sans transition. parce que je suis contente là qu'on ait on a pas mal parlé de ta famille et de ton Ouais. cadre. On commence par les origines, par l'entourage. On a parlé aussi des obstacles que ça pouvait être pour toi. Mais maintenant j'aimerais parler des obstacles émotionnels que tu pourrais avoir et avec ce qui pollue, ce qui pourrait polluer ton intérieur émotionnel. Il y a des choses qui polluent ton intérieur émotionnel. Je comprends pas trop la question, genre des gens. Ouais. Alors, attends, je vais essayer de préciser parce que même pour les gens, ce serait quand Ouais. même mieux de polluer ton intérieur Enfin, émotionnel. Vraiment, Léa. Non, ce que je voulais dire, c'est que y a des obstacles concrets et matériels, de situations, etc. Oui. Et ouais, je pense plutôt relationnel. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont des obstacles dans ton évolution. Donc des personnes, que concrètement je donne des noms là. Des entités. Des entités. Très bien. Alors, sur le plan, on va dire le plus évident en ce moment, sur le plan amoureux, mon ex évidemment, et qui m'a larguée comme une merde en août, voilà, petit aparté. Sur le plan amical, non, je vois pas d'obstacle émotionnel principal. Disons que les gens qui me gênent, bah, je reste pas avec eux, quoi. Enfin, qui me gênent vraiment pour mon intériorité personnelle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui me gênent en surface, mais je fais en sorte que ça reste anecdotique. Et bah voilà, si c'est vraiment pas possible, non, genre je les vois plus ou je mets pas nécessairement. Non, je mets pas un terme définitif. Mais j'évite et après on se retrouve et ça va mieux. En fait, c'est assez par vague en fait en général. Et sur le plan familial, on va dire que donc les gens de ma famille, que ce soit du côté paternel ou maternel, sont très différents de moi et de mes convictions actuelles de jeune femme dans le monde d'aujourd'hui, de 2019. Donc pour recontextualiser rapidement, mes grands-parents ont émigré d'Algérie pour venir en France. Alors je ne saurais pas quand exactement, mais mon père n'était pas né et ma grand-mère avait genre peut-être même pas 18 ans. Je dirais 19 ans grand maximum, mais en vrai je crois que c'était plus peut-être. Ouais, non, peut-être 18-19 ans en vrai, je pense. Voilà, donc ce sont des gens qui savent. Mes grands-parents ne savent pas lire ni écrire. Enfin, si mon grand-père, il écrit un petit peu, mais vraiment le minimum. Et donc, ce qui fait que, par exemple, ils pourraient pas avoir. Enfin, ouais, non, si, ils pourraient. Mais c'est une société. Enfin, on va dire qu'ils vivent dans leur monde familial très très clos. Et avec une conception, tout ce qu'on peut s'imaginer de traditionnel de la famille musulmane pratiquante. Donc, c'est-à-dire, pour reprendre une expression que j'ai donnée à Ella il n'y a pas si longtemps, que la femme est moins importante que le couscous. Voilà. Donc, ce qui est très compliqué pour moi à gérer quand je les vois. Parce que, voilà, j'ai mes convictions et mes envies d'équité. Et donc, du coup, de voir juste à la fin d'un plat, toutes les femmes se lever, se diriger vers la cuisine pour débarrasser. Et les hommes qui restent à table en disant « Ah, mais tu m'as mal servi. Ah, mais apporte-moi le sel. » Enfin, que des choses, voilà, comme ça. C'est vraiment difficile, en fait, de se construire. Pas tant au niveau familial, parce que je les accepte quand même tels qu'ils sont et que je cherche pas à les changer, parce que c'est pas quand les gens ont 50 ans qu'en fait on peut les changer, et que en fait ce serait incroyablement violent de dire non mais j'ai la bien-pensance et en fait c'est comme ça qu'il faut être maintenant aujourd'hui. J'ai pas non plus cette prétention, même si je suis convaincue que j'ai les bonnes convictions, mais je pourrais pas les projeter sur eux au point de les inciter à changer et de provoquer en fait ça, parce que je sais pas trop comment l'expliquer rationnellement, mais en gros je m'en sentirais pas du tout légitime vis-à-vis d'eux, et surtout comme ils habitent à Paris, je les vois pas très très souvent non plus, et ce serait très intrusif et presque colonisateur de faire ça en fait. Donc voilà, ça c'est pour du côté de mon père. Donc en mode cette famille paternelle serait un obstacle un peu dans la construction de soi, en un sens, surtout dans l'affirmation des convictions. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et du côté de ma mère, il y a un peu cette même relation vis-à-vis des femmes, en fait. On va dire que les femmes de ma famille sont globalement très opprimées. Ou pareil, à Noël, c'est les femmes qui se lèvent et qui vont faire la vaisselle, et les hommes qui sont en bout de table et qui continue de boire du vin et qui demande le fromage à grands cris, voilà. C'est un peu ça. Donc du coup, s'assurer de sa valeur quand on est dans ce contexte familial général, enfin pas familial au sens de 5 personnes, mais plus général, il faut quand même avoir assez confiance en soi pour se dire, ou en tout cas un seuil minimal pour se dire que bon, allez, ok, c'est juste temporaire, voilà. Et donc du coup, ce qui fait que donc ma grand-mère paternelle, c'est parce que je parle pas du tout arabe et donc que j'ai jamais vraiment compris ce qu'elle disait, et ma grand-mère maternelle parce qu'elle a toujours beaucoup travaillé et qu'on n'a jamais créé ce lien. Enfin, en fait, avec aucune des deux, j'ai un lien de grand-mère confidente. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment comme on dirait j'ai une grande tante. Ben moi c'est pareil, tu vois, j'ai deux grand-mères, mais elles connaissent rien, enfin elles connaissent même pas le nom de mes amis, quoi, tu vois. Enfin si, peut-être un peu ma grand-mère maternelle, mais encore un peu de loin quand même. Donc voilà, pour les obstacles. D'accord. Mais du coup, t'es jamais rentrée en conflit forcément avec eux. C'est plus temporairement, je mets mes valeurs, enfin c'est pas l'endroit où je vais mettre mes valeurs avant. Non, pas du tout. Oui, je sais que ce serait assez mal perçu du côté de ma mère, énormément, parce que mon grand-père a un très très très fort caractère et on va dire qu'il a le sang chaud. Ouais. Voilà, donc en fait non, je me dis que mon Dieu, c'est horrible, mais je me dis qu'en fait ce sont des gens qui seront bientôt morts, et donc que ce serait certainement un gaspillage d'énergie. Et en plus de ça, ils vivent dans un espèce de microcosme, ils ont un cercle très très réduit, et donc peut-être qu'ils se font du mal entre eux, mais pas au-delà, enfin, c'est pas un danger vis-à-vis des convictions, voilà, trop élargies. Et de toute façon, enfin, du côté de ma mère, je pense que, voilà, on me dirait de me taire tout de suite si j'avançais un genre de conviction féministe, ou voilà. Ouais, c'est histoire de pas gaspiller aussi ton énergie, enfin, tu te respectes. Oui, je quoi. Sais que ce serait vain en fait. Oui. Enfin, voilà. Ok. Et puis je pense que les personnes, à partir d'un certain âge, soit elles sont ouvertes au débat et c'est ok, enfin, au moins discuter. Ah ben moi je pense ça, voilà. Mais enfin, sinon, ça sert à rien. T'as déjà forgé ton esprit critique et c'est pas à 70 ans que tu changes ton vote de droite à gauche, tu vois. Clairement. Enfin, voilà. Donc je considère que c'est, en fait, c'est pas à moi de faire leur éducation. Et voilà. Ok. Ce que je remarque dans ce que tu as dit, t'as pas développé encore pour. Je vais te le faire. Pour ta vie amoureuse, mais du moins pour tes amis et pour ta famille, ce que je remarque, c'est que tu sais te protéger. Oui. Tu sais. Enfin, je pense que t'as une intelligence des relations qui font que t'as pas besoin de rentrer en conflit pour protéger, mais tu sais le faire pour que ça te nuise pas. Et du coup, je vais te demander, parce que je sais que tu le fais avec dans ta vie amoureuse, de savoir te protéger. Oui. Et est-ce que tu pourras en parler? Oui. Alors, donc du coup, je suis restée avec un garçon pendant 3 ans et en gros un petit peu moins de 4 ans. Et donc du coup, il m'a quittée en août. Et il m'a quittée en me disant qu'il ne m'aimait plus. Que ses sentiments s'étaient transformés en affection et qu'en gros ce serait trop compliqué nous deux parce que il s'était engagé dans la marine et donc du coup il allait partir longtemps, etc. Voilà. Une semaine après, il m'a renvoyé un message en me disant que mais non, en fait il m'aimait encore et voilà. Et donc en gros il a pas arrêté de changer de version. Il m'a recontacté assez souvent en me demandant de mes nouvelles, parfois de manière relativement gentille, parfois de manière très injonctive et très homme masculin piqué dans son ego qui essaie de se rattraper de manière relativement violente quand même, enfin violente, donne-moi tes nouvelles quoi, en me demandant des choses qu'il n'était plus du tout en droit d'exiger de ma part. Et donc du coup j'ai pris une décision dont je suis relativement fière, donc une décision que j'ai prise juste cette semaine, de le bloquer partout, voilà, et donc par SMS et de Facebook, et donc juste pour me protéger, parce que à chaque fois que je, donc c'est quand même une reconstruction assez longue dans laquelle je me suis engagée, parce que bah, 3 ans, plus de 3 ans et demi quand même c'est pas rien, et puis à un moment où vraiment je passais de fille à jeune femme, donc où je forgeais tout mon caractère, mon esprit critique, mes opinions, enfin vraiment tout quoi, et celle que je voulais devenir, enfin où je commence à donner un embryon de sens à ma vie, et donc je me suis aussi construite avec cette personne là et le fait que la rupture était tellement dégueulasse, enfin on avait vraiment vécu des trucs incroyables, enfin c'était une relation vraiment, enfin je suis tellement contente et reconnaissante que ça me soit arrivé, j'ai vécu tellement de choses, genre ouf. Mais la façon dont il m'a quittée, en fait, ça entache absolument tout ce qui s'est passé, je trouve. Et donc, du coup, j'arrive pas à garder contact avec mes ex. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de nocif, absolument. Pour moi, la rupture amoureuse, c'est vraiment besoin d'être une rupture. Et en plus, avec donc mon dernier ex, on n'a jamais voulu être autre chose, enfin être autre chose qu'en couple, donc du coup c'est juste inconcevable, enfin non, on va pas aller boire un verre en terrasse et se raconter avec qui on a couché ou enfin c'est vraiment pas possible, et d'autant plus que lui revenait souvent et essayait de s'immiscer, de se glisser dans ma vie par des messages relativement réguliers, et alors que j'essaie de me reconstruire et c'est tout le temps des petites éclaboussures de lui partout, et c'était, enfin voilà, c'est plus possible. Donc bon, ben, j'espère que ça va m'aider. Je pense vraiment, en fait au début ma question je voulais l'angler sous comment on fait pour guérir d'une relation qui s'immisce toujours et qui revient, et en fait c'est une personne qui... Ah, j'ai répondu à côté de ta question alors. Non, pas du tout, parce qu'en fait, en fait c'était cette question que je voulais poser de comment tu fais pour guérir quand la personne est là, mais en fait j'ai pas besoin de la poser puisque tu l'as bloquée. Oui, en mais fait t'as répondu à ça, tu vois. Mais ça a été long parce que pendant un temps cette présence malsaine m'était quand même nécessaire, où je me disais ah ben en fait non, tu vois, tu m'aimes encore et t'essayes encore, et ok, maintenant je sais que t'as pris la mauvaise décision, mais là où c'est incroyablement méchant de faire ça, c'est que c'est lui qui m'a quittée, et en fait il m'a obligée à le quitter à mon tour, Alors que non, c'était moi la victime, tu me voles mon rôle en fait. Non, il t'a donné la responsabilité. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est le pire à faire parce qu'en fait, tu fais mal à quelqu'un et après tu lui dis non, mais c'est toi qui fais mal. C'est toi qui fais mal, voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce qu'il a fait en fait. C'est très dur d'assumer en fait, de faire souffrir et de souffrir. Et d'être responsable de sa propre douleur, c'est très compliqué et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Mais en tout cas, moi, je le déclare officiellement. Je suis très fière que tu l'aies bloqué, je n'attendais que ça. C'est trop mignon. Ouais, c'est pas facile à faire, mais moi, je l'ai vraiment fait sur un coup de tête en CM et tout le monde me disait que c'était la seule chose à faire et je répondais que ça restait encore trop difficile pour moi. Parce que bien sûr, j'allais le stalker, souvent. Parce que c'est trop difficile de se détacher d'une personne directement. Enfin, je connaissais toute sa vie, toutes ses habitudes et tout. Et donc, voilà, c'est juste un manque physique aussi que compensait un petit peu, du coup, ce stalkage. Et là, je me dis... Là, je l'ai fait mardi, je crois, et nous sommes un vendredi soir. Et ça me manque pas du tout, en fait. Donc, je me dis que pour l'instant, c'est vraiment la bonne chose. Ouais. Mais après, tout ce temps-là était nécessaire, je pense. T'aurais pas pu le bloquer en septembre. Vraiment pas. Ouais. Vraiment, fallait une transition. Et puis maintenant, le fait que tu l'aies bloqué, c'est peut-être aussi pour ça que ça te manque pas. Enfin, tu t'obliges à ne plus le faire. Ouais. Et du coup, en fait, tu déconstruis cette habitude que t'as pris de tout le temps y aller, quoi. C'est ça. Ouais. C'est compliqué les relations amoureuses aussi. Oui, surtout que c'était vraiment une relation qu'on voyait tous les deux. Moi je pensais qu'elle allait durer genre 8-10 ans, tu vois. Genre vraiment que c'était la première relation longue de base et genre qu'on allait vraiment arriver à emménager ensemble. Et en fait, là d'un coup, t'as tout qui se casse la gueule. Et t'es là, mais bon quoi, genre comment on en arrivait là quoi. Voilà, mais maintenant c'est un peu plus digéré. Et du coup, le gros point aussi, c'est genre, ok, maintenant, il faut que je me décentralise. On en avait déjà un petit peu parlé. Quand tu te mets en couple avec une personne, tu projettes, en fait, elle devient ton centre de vie et tu projettes tout sur elle par rapport à elle, etc. Et là, redevenir le centre de son monde, c'est nécessaire, mais c'est tellement violent. Quand on avait créé une relation tellement privilégiée avec une personne qu'on avait décentralisé son être pour elle. Du coup, c'est... Voilà, se dire, ok, j'existe en tant que personne à part entière et plus en tant que moitié d'une autre personne. Je reprojette tout sur moi et maintenant, toute ma vie doit se faire par rapport à moi. C'est difficile. C'est extrêmement dur, mais c'est la vie. Enfin... C'est la vie dans le sens... Enfin, j'ai vécu ça aussi parce que ma vie a été une suite de relais entre plusieurs personnes, amicales ou amoureuses, à qui je donnais tout. Et depuis que le relais, c'est moi qui l'ai entre mes deux mains. Ouais. C'est dur, hein. Mais c'est la meilleure chose au monde. Enfin, tu te rends compte que ce que tu le fais pour toi. Que ce que tu aimes, c'est ce que tu aimes. Que ce que tu vas protéger, c'est toi et plus quelqu'un d'autre. Oui. Mais je comprends que la rupture est violente parce que c'est... J'allais dire c'est facile. C'est pas que c'est facile, c'est que c'est... J'ai l'impression que c'est naturel de se projeter vers l'autre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, si toi t'es arrivé au stade où... Waouh, c'est super agréable d'être centré sur soi. Moi, je suis pas du tout. Ouais. Et où je sais que j'hésiterai pas une seconde. À me redécentraliser à nouveau, mais moi pas du tout vers les amitiés, vraiment par rapport aux relations amoureuses, et parce que je sais que je suis vraiment bien et en fait je crois vraiment en moi quand je suis décentralisée en fait. D'accord. Enfin, j'ai l'impression, je suis en tout cas nettement plus épanouie. Tu te préfères quand t'es pas que en toi. Oui, voilà, c'est ça. Quand je suis dans l'autre en fait, je me sens complète quand je suis dans l'autre. Tu penses que ça va rester stable, ça ? En tout cas, pour l'instant, j'ai pas le besoin de l'envisager autrement. Ouais. Parce que maintenant, je sais que je peux me recentraliser, que c'est pas la chose la plus agréable du monde au quotidien, ni la plus facile à faire, mais je sais que je suis capable de le faire. Mais pour l'expérimenter maintenant, je sais que je préfère largement quand... D'accord. Quand c'est le contraire. Ok. Voilà. C'est aussi une belle vision. Enfin, moi j'ai du mal à la comprendre. J'ai tellement déconstruit que maintenant il y a une alarme rouge qui fait dans ma tête. Faut pas que tu fasses ta faute, que tu fais ça. Alors que ça peut très bien être la façon dont tu t'épanouis toi et je le comprends vraiment et je trouve ça aussi beau quand même. Mais est-ce que du coup tu penses que t'as, en ayant conscience de ça, que c'est mieux pour ton épanouissement que tu sois avec quelqu'un, est-ce que tu penses quand même vivre sans chercher? Bah ouais, c'est toute la question. Ouais. En tout cas, je vis pas pour chercher la personne avec qui je vais être. Genre là, déjà, je vis pour oublier l'autre personne pour l'instant. C'est déjà... tellement de temps. Ouais, ouais. Et après, on verra. Genre, je te répondrai quand cette phase sera la moins importante. Parce que je pense qu'en vrai, elle sera toujours un peu présente. Genre... même après, plus tard, quand peut-être j'aurai 40 ans, je me dirais peut-être waouh, mais à 20 ans tu pensais ça, mais t'étais tellement débile, genre t'aurais tellement dû retourner avec lui quand il te le demandait. Enfin, tu vois, ça dépend, mais après, rétrospectivement, tu vois, tu t'imagines toujours des trucs et de toute façon tu ressasses toujours tout. Et on a toujours tendance à. Alors, c'est Fanny Ardant qui disait ça dans une interview, j'ai beaucoup aimé. À saupoudrer le passé d'une poudre dorée. Et genre, c'est vrai, genre on se dit toujours waouh, wow, mais en fait non, c'était plus idéal, enfin on idéalise tout, c'était mieux, non, j'aurais dû faire comme ça parce que c'était facile à l'époque, voilà, enfin alors que maintenant ma vie est trop compliquée, voilà, donc je sais pas, mais ouais, non, pour l'instant ok, c'est bien comme ça. Ce que tu me disais, ce que t'évoques là, tu me disais à un moment que tu pensais que peut-être dans plusieurs années ce serait repossible avec cette personne. Est-ce que tu le penses toujours, ça, ou pas? Je t'ai dit ça. Que tu pensais que peut-être que... Enfin, que pour l'instant, tu pouvais pas. Mais que si ça devait se faire, bah, peut-être que vous vous recroiserez des années. Ouais, mais quand je disais recroiser, je pense... Enfin, je disais dans le sens vraiment... Au sens le plus banal du croisement. Enfin, pas croiser des destinées, mais croiser... Je pense que je serais capable de lui dire bonjour et tout. Oui, mais pas en mode on se retrouve. Non. Ouais, non, c'était croisement au plus, plus trivial possible. Ok. Ok. Voilà. Non, parce que je pense pas. J'ai vraiment un rapport d'effacement à tout ce qui m'a vraiment blessée. Et donc, du coup, les ruptures amoureuses, pour moi, c'est vraiment des vraies ruptures. Et non. Non. Voilà. La protection encore. Hein. Enfin, ouais, ouais, l'autodéfense. L'autodéfense. Et là, par contre, j'ai une transition. Mais du coup, comme je suis incroyable. En train de l'éclairer, elle devient artificielle. Mais tu es hypersensible. Oui. Et est-ce que tu penses que ce sens de la protection vient du fait que tu sois hypersensible et que du coup, tu en aies besoin? Oui, je pense. Mais encore une fois, quand tu parles de protection, je sais pas si... En fait, c'est un mot dans lequel je me ressens... Enfin, je sais pas, j'ai du mal à me projeter, à me voir dedans parce que, en fait, j'agis vraiment sans réfléchir à mes actes. Enfin, je sais que toi, tu réfléchis énormément sur ce que tu ressens, sur ce que tu fais, sur pourquoi tu réagis comme ça, etc., etc. Et alors que moi, c'est plus instinctif. Je sais que j'ai besoin de faire ça pour moi, mais sans y avoir réfléchi. Et en fait, je le sens, mais je veux pas l'expliquer, en fait, c'est tout. C'est toute la problématique de ce que je suis, en fait. C'est-à-dire que je me dis pas ah non, il faut que je me dégage de cette personne parce que je vais souffrir et ça va être compliqué par la suite. Je me dis oula, non, problème. Voilà, ça se passe vraiment comme ça dans mon cerveau. Alerte, alerte, problème. Là, ça va pas du tout, tu te sens pas bien, stop avec cette personne, quoi. C'est de l'instinct. Oui, c'est la spontanéité affective, en fait. Ouais. Mais c'est pas incompatible avec la protection, c'est juste que c'est pas toi qui te dis il faut que je me protège. Voilà, c'est juste que la protection pour moi c'est une construction de pensée, alors qu'en fait j'ai pas ce raisonnement de pensée en me disant ah oui, mais tu te rappelles quand t'avais déjà réagi comme ça, non, c'était pas la bonne réaction, il faudrait plutôt que cette fois-ci t'agisses comme ça. En fait, j'ai pas du tout, je réfléchis très peu à ce que je fais. Mais vraiment au sens de l'action, je réfléchis beaucoup à ce que je dis mais pas trop à ce que je fais. Enfin, je sais pas, c'est pas très clair. Je crois, attends, je reconstruis dans ma tête. Par exemple, si je dis une parole blessante à quelqu'un et je m'en rends compte après, ben forcément ça va me torturer et je vais réfléchir énormément à tout ce que j'ai dit dans la journée, par exemple. Mais pas du tout à la manière dont j'agis au quotidien avec les gens. D'accord. Ça fera jamais l'objet d'une introspection le soir dans mon lit avant de dormir. D'accord. Voilà. Tu réfléchis en mode ce que j'ai dit, mais pas dans le but de changer ça pour agir autrement. Oui, voilà. D'accord. Non, ouais. Ok. Ok. Je sais que t'as besoin de digérer les informations. Ah oui, parce que là, mon cerveau, il est vraiment en mode, il y a 10 personnes à l'intérieur qui moulinent, qui font du vélo, qui font du step. C'est ça qui est incroyable, en fait. C'est quand on s'est rencontrés, genre, on se comprenait. Ouais. Et en même temps, on a vite capté qu'on était quand même très différentes. Très, très différentes. Très, très différentes. Mais très, très pareilles. Et très, très pareilles à la fois. Et je trouve que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup avec l'hypersensibilité. En général, quand tu croises quelqu'un d'hypersensible, t'as vraiment ce truc d'adhésion. Oui. De jusqu'à présent, la plupart des gens que j'ai rencontrés n'étaient pas comme moi et ne pouvaient pas me comprendre. Là, je te reconnais, tu me reconnais. Et on a une sensibilité qui fait qu'on va se protéger. Enfin, on peut ne pas s'aimer en étant hypersensible, évidemment. Il y a des hypersensibles très cons. Même si con est une notion relative. On est tous le con de quelqu'un. Ouais. Mais... C'était le petit proverbe populaire du soir. Merci, Ella. Là, il y a du niveau intellectuel. Ouais, là, c'est au moins une L3. Mais hypersensibilité différente. Oui. Ok. Ma question d'avant, c'était protection, hypersensibilité. Ok. On met de côté la protection. Oui. Et juste, est-ce que toi, tu pourrais parler du coup de ton rapport à l'hypersensibilité, des impacts que ça a dans ta vie et de comment tu la vis dans le sens, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te freine ou quelque chose qui t'embellit, enfin qui te porte. Alors, du coup, je peux répondre et réfléchir dessus que parce que j'ai vraiment eu une discussion, enfin plusieurs, et au quotidien je le vois, discussion par rapport à ça avec toi. Et du coup, je peux répondre que par rapport à ton hypersensibilité à toi, parce que c'est la seule que je connais réellement dans l'intimité, en fait. Du coup, je sais pas trop comment commencer, mais en gros, je ressens plein d'émotions de manière extrêmement forte. On va dire que c'est assez décuplé, mais que celles qui sont vraiment le plus décuplées, ce sont les émotions, on va dire, négatives, et que les émotions positives, mais après, comme j'ai jamais expérimenté celles des autres, tu vois, c'est toujours la manière dont je le conçois, mais je peux pas vraiment dire en général, parce que... Attends, je finis ça et après je dis parce que... et donc du coup, c'est le positif pour moi, c'est-à-dire que... en gros, voilà, mes émotions, c'est un iceberg. Celles négatives peuvent me descendre vraiment très très bas, mais celles positives ne m'exaltent pas vraiment très haut, ça reste assez minime, en fait, l'écart est assez impressionnant. Et donc parce que avant vraiment de comprendre que j'étais hypersensible, moi je pensais que j'étais normale. Et c'est-à-dire que du coup, ma conception de la norme, j'ai appris qu'elle était biaisée. Mais donc du coup, il y a plein d'années où j'ai pas réfléchi dessus, où je me suis pas dit « Ok, tu réagis comme ça, tu réagis pas comme tous les gens et tu le vis pas comme tous les gens. » Donc ça, c'est au niveau de mes émotions négatives que j'ai un rapport particulier. Et aussi vis-à-vis des gens, on va dire que j'ai une espèce d'acuité des rapports humains et que j'arrive à assez facilement comprendre les enjeux et que j'ai des attentes envers les gens qu'ils ne peuvent pas remarquer mais qui, moi, chez moi, sont permanentes en fait. J'attends toujours quelque chose de quelqu'un alors que cette personne n'a pas forcément remarqué que j'attendais ça. Mais pour moi, c'est évident que cette personne doit faire cette chose que j'attends ou doit se comporter de telle manière. Ou, voilà. Et donc, en fait, c'est un peu une série de déception perpétuelle. En fait, j'ai une vision très négative de ça. Enfin, pas très négative, mais on va dire que je pense que ça me dessert quand même assez plus que ça ne m'apporte, puisque la joie n'est pas décuplée par rapport à la tristesse. Et voilà, donc du coup, je suis toujours en attente de l'autre, alors que l'autre est dans l'ignorance totale de cette attente. Et donc, voilà, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue et qui s'avale en entier. Voilà. Je fais une tête de la personne qui est en mode « Ah là là, I know what you mean, girl ah, !» J'ai deux choses à dire sur ça. Déjà, pour les personnes qui savent pas trop ce que c'est l'hypersensibilité, souvent dans tous les articles ou les gens qui parlent de l'hypersensibilité, il y a une sorte de truc de dire « c'est pas un défaut » parce que même si quand vous êtes mal, vous êtes très très mal, quand vous êtes très très bien et du coup ça vaut le coup. Et du coup, ce que tu dis là, ça remet en perspective le fait que t'es pas obligé d'aller très très bien si t'es hypersensible. Ouais. Tu peux aller très très mal et juste aller bien passable. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il n'y a pas forcément de consolation à avoir, c'est juste tu t'es comme ça, donc t'apprends à vivre comme ça. Et ensuite, pour la déception perpétuelle, MDR. Ça, c'est vraiment le problème de ma vie personnellement, de exactement ce que tu as dit, genre avoir des attentes des autres, mais sauf que moi j'en avais même pas conscience que j'avais des attentes des autres, et du coup ne pas les formuler, et du coup se retrouver dans une déception perpétuelle alors que la personne en face n'a pas demandé à te décevoir, juste elle vit sa vie. Oui, voilà, c'est ça. Et tu es déçue de ce qu'elle fait. Mais en fait, c'est comme triste. On ressent vraiment les gens, enfin, je pense que toi aussi, et du coup, leurs sentiments, et qu'on agit comme on aimerait que les gens agissent envers nous, la plupart, enfin, quand ce sont des gens qu'on aime, évidemment. Voilà. En fait, on attend implicitement la même chose en retour, et une compréhension aiguë de ce qu'on est et de ce dont on a besoin. Donc, forcément, voilà, tout ça génère énormément de déceptions, puisque en fait, voilà, c'est vraiment l'hypersensibilité pour moi, comprendre que j'étais hypersensible, c'était comprendre que l'autre n'était pas moi. Or, j'avais projeté mon moi sur tous les autres. Pour moi, tout le monde vraiment était pareil, et du coup, se dire non mais attends, en fait tu peux pas vraiment lui en vouloir d'agir comme ça, parce que il ne sent pas les choses comme toi, il ne réagit pas comme toi, donc en fait, ok, t'es en colère, mais dans le fond, c'est pas, tu peux pas le justifier. Enfin, et donc c'est encore plus frustrant. C'est encore plus frustrant, et je l'ai compris il y a très peu de temps. Mais du coup, moi, ma façon d'y remédier, c'est d'expliquer. Parce qu'en fait, exactement comme tu as dit, en fait, comme je comprends les gens, j'attends qu'ils me comprennent, et s'ils me font souffrir parce qu'ils me comprennent pas, je leur en veux. Et j'ai compris il y a très peu de temps que si tu n'expliques pas, en fait, on est tellement peu représenté. C'est bonjour le goal de ma vie. On est tellement peu représenté. On n'a pas de visibilité. Les gens ne peuvent pas comprendre. Nous, on comprend les extravertis parce qu'ils sont partout. Donc, on a toutes les clés. Et en plus, on a un don. Je mets des guillemets. Cadeau empoisonné. Qui permet de encore plus les comprendre. Pardon, lampe. Mais eux n'ont ni ce don ni la visibilité qui permet de nous comprendre. Donc juste ils arrivent, ils sont en mode tu es ultra susceptible, timide et faible. C'est ça. Endurcis-toi parce que moi je vais pas faire les choses à ta place. Et nous on est en mode bah nope. Juste je vais me rouler en boule jusqu'à ce que tu t'excuses. Ou je vais appeler mes amis, ils vont te défoncer. Enfin, il y a plusieurs manières de faire. Mais ouais, c'est... J'ai perdu my point, je retrouve my point, qui était la déception, c'est très compliqué. Est-ce que tu as envie de prendre la voie que moi j'ai choisie par exemple, qui était d'expliquer les choses, ou est-ce que toi, tu laisses, genre les gens qui comprennent pas, ils comprennent pas, quoi. Non, alors, je comprends complètement et je soutiens ce que tu fais. Et la manière dont tu le fais, qui est l'explication et qui serait la meilleure, qui est la meilleure chose à faire. Mais c'est trop compliqué pour moi de livrer ça, et je me sens beaucoup trop vulnérable et encore plus incomprise de l'expliquer. parce que clairement, si tu n'es pas hypersensible, même si tu dis je comprends, non, enfin en fait, non, tu peux, enfin, tu peux pas le comprendre tant que tu l'as pas vécu. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée, tu peux être empathique, tu peux dire ok, je comprends comment tu fonctionnes, mais pas je comprends ce que tu ressens véritablement. Donc en fait, pour moi, ce sera toujours un peu des actions décalées. Je dis pas que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais j'ai pas cette force d'expliquer et de me battre pour ça, et j'ai plus un rapport adaptatif à ça. Je m'adapte aux autres et pas les autres doivent s'adapter à moi. Donc du coup, j'ai plus tendance à effacer cette partie de moi et à la faire taire que de l'exhiber, en fait. Voilà. T'as totalement anticipé la question que j'allais poser. Merci et bravo. Oui, parce que je voulais rebondir sur le fait du coup que notre différence principale, c'est que toi, si on le sait pas, on sait pas que t'es hypersensible. Ouais. Parce que tu ne l'exprimes pas, et moi je vais utiliser le mot incapable, c'est pas le mot qu'il faut utiliser, mais ma nature fait que ça se voit. Genre je m'exprime extrêmement tout le temps. Ça se voit, c'est physique. ça se voit. Et du coup, je pense aussi que si j'ai besoin de le revendiquer, de l'expliquer, c'est parce que ça se voit. Oui. C'est une forme de légitimation. Ouais, alors que ouais, toi... Ouais, ouais, c'est ça. En fait, oui, je crois que c'est ça la différence. Ouais. C'est ça. Très bien cerné, je valide complètement, je suis impressionnée. Merci. J'y réfléchis très peu pour ça. Elle vient de faire un mouvement hautain avec ses cheveux, c'était... priceless. Voilà, tout à fait. Mais oui, du coup, toi, bah, comme tu t'adaptes, t'as pas forcément besoin de dire bah, je suis comme ça, comprenez-moi, puisque juste tu le montres pas. Mais est-ce que c'est pas une souffrance de t'adapter? Ben, c'est-à-dire que pour toi, c'est vital en fait de le montrer, parce que sinon, t'es fondamentalement incomprise et potentiellement rejetée. Mais pour moi, le fait de s'adapter partout et aux gens, non, en fait. Comme c'est quelque chose que j'ai ingéré, parce que je crois que j'ai profondément envie de ne pas être différente superficiellement, enfin dans mon extériorité, quand on me voit, j'ai pas envie au bout d'une discussion qu'on sache que je suis hypersensible, enfin voilà. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai ingéré depuis vraiment genre l'enfance. Et c'est comme ça que je me suis construite et c'est comme ça que je me construis encore. Mais non, enfin non, en fait, c'est pas une souffrance pour moi. Je sais juste que c'est moi qui cohabite intimement avec ça. Mais voilà, genre, c'est mon truc, en fait. Genre, en fait, ce serait vraiment, voilà, ouais. que je donne tout aux gens et que je m'ouvre de parler de ça et de l'extérioriser. Voilà, en fait, pour moi, je vis l'hypersensibilité comme quelque chose de profondément et intérieur, et même par essence intérieure, alors que pour toi, non, pas du tout. Genre, oui. C'est en toi, mais c'est sur ta peau aussi, enfin, c'est partout. Puis c'est... Enfin, mon hypersensibilité entraîne des problèmes physiques qui font que tout mon être est hypersensible. Et là, par exemple, j'ai mal au dos. J'ai très souvent mal à la tête. Enfin, bon. En fait, si je l'assume pas, je ne suis que souffrance. Ouais. Et je ne suis pas force. Et du coup, je suis obligée de l'exprimer et d'en faire une force. Parce que sinon, je pourrais pas vivre, je pense. Et il faut que je fasse de ce corps et de ces émotions quelque chose d'autre que de la souffrance. Oui. C'est pour ça que je pense aussi que je rigole très fort. Je viens de réfléchir à ça, j'y avais jamais réfléchi, mais je pense que mon rire prend énormément de place. Réflexion inédite, attention, et en direct. Mais ouais, si vous écoutez là le troisième podcast et vous avez écouté les deux avant, mon rire est sonore. Sans blague. Là, je me restreins et... Pour le bien de vos oreilles. Pour le bien de vos oreilles, et j'ai fait du montage sur d'autres pour enlever les pires, et il en reste. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc de... Si je pleure très fort, il faut que je rie très fort. Oui, d'accord. Et c'est beau, j'aime bien. Oh, merci. Merci. Et j'ai toujours pensé que je voulais me cacher, alors que ça fait des années que j'ai besoin de parler. Donc il y a cette espèce de paradoxe de besoin d'être invisible et de besoin d'être extra-visible, qui est toujours une montagne russe et qui est une problématique qui revient chez beaucoup d'hypersensibles. Mais est-ce que c'est toi qui choisis, du coup, les moments où t'es en haut de la montagne? Non. Et les moments où t'es en bas? Non. Non, je subis. Je subis complètement, mais avant je les reconnaissais pas, maintenant je les reconnais. Donc maintenant... quand je suis en période d'euphorie et l'impression, vraiment la période d'euphorie, t'as l'impression d'être la maîtresse du monde, ouais. Et que tu as tout compris, que tu es meilleure que tout le monde et que tu vas tout accomplir et que tu vas changer le monde. Vraiment, c'est ça, être au bout de la colline. Mais maintenant j'en ai conscience et j'essaie de faire en sorte que cette période soit productive. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai des projets, c'est à ce moment-là que j'ai des idées, c'est à ce moment-là que j'ai confiance en moi. Mais je sais que il suffit de rien. Il suffit que je fasse tomber mon stylo par terre des fois, hein, ouais. Pour que je me rappelle que je suis une merde. Non, je rectifie ce que je viens de dire. Pour que je me sente comme une merde et pas que je me rappelle que je suis une merde, parce que je suis neutre. Je ne suis ni une déesse ni une merde. Donc... voilà. C'est toi qui crée cette neutralité puisque tu ne la ressens jamais en fait. C'est ça, elle est superficielle. Tout ce que je ressens, ouais, c'est ça. C'est l'alternative entre... être une personne horrible et être une personne merveilleuse. Ouais. Et ça peut pas rester dans l'intime. Et des fois, j'aimerais. Parce que quand tu te présentes sur un plateau, puis maintenant je le fais vraiment, genre il y a un plateau où je dis les choses. Enfin, j'ai rencontré un mec en octobre, de la même soirée, je lui ai raconté mon plus gros trauma. Enfin. D'accord. Maintenant, c'est devenu un truc comme ça. Et ça va être drôle mon interview parce que là j'ai perdu mon fil encore. C'est pas grave, il n'y a pas de fil, c'est le fil de notre discussion, oui. C'est là où ça nous mène. Mais ouais, le point c'était que mon hypersensibilité à moi elle est extérieure parce que c'est un besoin et que toi ton besoin il est inverse, ton besoin il est d'être intime et de pouvoir te mêler en fait avec les autres quoi. Ouais. Un point intéressant de ton hypersensibilité dont j'aimerais que tu parles, et moi par exemple je suis très inconnue sur ça, je l'expérimente pas du tout, c'est ton rapport à la temporalité et le décalage que tu peux avoir avec la temporalité dans laquelle tu es. Ok, alors du coup j'ai un rapport à la temporalité, on va dire, si on zoome, merde c'est horrible parce que je pense à des trucs et genre 2 secondes après je l'ai oublié. Voilà, en fait, c'est-à-dire que le mantra carpe diem est impossible, absolument impossible à appliquer pour moi. Je ne peux pas profiter de l'instant présent. Je suis toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Pas forcément dans la mélancolie du passé et pas forcément dans l'appréhension du futur, mais dans l'un ou dans l'autre, en fait. Enfin, c'est-à-dire que quand je me dis « Oh, waouh !» t'as vraiment bien profité de ce moment, et là je me dis attends, t'as profité de ce moment alors qu'il s'est déjà passé ça dans ta vie et alors qu'il va se passer ça dans pas longtemps, genre t'es sérieuse, mais attends ça va pas du tout, genre reviens à tes fonctions primaires, genre enfin c'est vraiment une horreur en fait, je profite jamais entièrement ouais c'est ça de ce que je suis en train de vivre actuellement, et donc ce qui fait que je ne vis bien les choses qu'à posteriori et dans une reconstruction que je me fais des moments passés, que du coup, comme dirait Fanny Ardant, je saupoudre d'une poudre dorée en me disant « Ah ouais, ok, ça, en fait, c'était vraiment un moment génial, mais je l'aurais toujours mieux vécu en souvenir que sur le moment présent, en fait. » Et donc, du coup, ce qui m'amène à dézoomer, enfin non, ce qui m'amène pas du tout, c'était un lien artificiel pour faire genre que j'avais construit mon argumentation... Voilà, donc du coup, je dézoome, et donc à l'échelle de ma vie, de ma courte vie, on va dire que je n'ai jamais eu mon âge physique, donc c'est-à-dire qu'actuellement, j'ai 20 ans, mais j'ai des envies de femme de 30 ans, c'est-à-dire que les soirées que j'ai envie de passer avec mes amis, c'est des soirées de trentenaire autour d'une table et pas tant des soirées en boîte de nuit et des soirées dans les bars. De temps en temps, oui, évidemment, mais genre vraiment pas tout le temps. J'ai envie d'emménager dans mon chez-moi. potentiellement d'avoir des enfants. Enfin voilà, mais c'est vraiment des préoccupations de trentenaire. Et quand j'avais 13 ans, j'avais des envies de vie que j'ai maintenant. Et quand j'avais 7 ans, j'avais envie d'avoir 13 ans. Enfin voilà, en fait, c'est un décalage perpétuel. Et donc, ce qui est relié en fait à la petite échelle et qui fait que je ne profite jamais de l'âge que j'ai et du moment que je vis. Voilà, mais en fait, donc du coup, pour en avoir parlé avec Ella avant, c'est pas quelque chose, en fait, tout ce que je constate à propos de moi, c'est pas nécessairement des choses que dont je ressens le besoin de changer fondamentalement ce qu'elles sont. En fait, je sais qu'elles sont là, et je sais, enfin, ça fait assez longtemps que je vis avec ça pour les avoir domptées, on va dire, et maintenant, elles me gênent plus tant que ça. Je sais qu'elles sont là, je sais que c'est moi, et voilà, en fait, je pense que ça me ferait plus de mal de travailler dessus que juste de les accepter simplement. Ouais, mais de toute façon, enfin, travailler dessus, tu pourrais pas, dans le sens, vivre le moment présent, c'est ça ? Essayer de faire en sorte de vivre le moment présent. Ouais, voilà. Si t'es comme ça vraiment depuis que t'es enfant, ouais, c'est... Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Et donc c'est pour ça que je pensais vraiment que toutes les personnes qui disaient « carpe diem à tout va » ou « profiter de l'instant », genre pour moi c'était d'une hypocrisie incroyable, parce que je pensais vraiment que c'était pas possible. Et en fait, bah voilà, c'est pareil que l'hypersensibilité, c'est comprendre brutalement que tout le monde n'est pas comme soi et que... Bah, c'est débile, mais genre vraiment chacun est différent et l'autre n'est pas moi et je ne suis pas comme l'autre et voilà, se heurter à la différence en fait tout le temps. Je pense que c'est pas débile parce que pour revenir à ce truc de visibilité, le fait de pas être représenté, tu vois pas par exemple dans les séries ou les films qu'il y a un personnage qui détonne par rapport aux autres parce qu'il est comme toi. Ouais, ouais, c'est clair. Tu vois juste d'autres personnages et tu peux penser qu'ils sont tous comme toi du coup. Et ça, ça manque. Mais du coup, est-ce que t'as déjà croiser soit quelqu'un dans la vraie vie, soit dans la représentation, quelqu'un qui fonctionnait comme toi? je te noie, c'est cette question. Non, pas du tout, c'est que ça, je sais pas dans quelle mesure je peux parler des autres en fait. Oui. Alors que là, tu vois, c'est moi qui décide de m'exprimer sur moi. Mais oui, j'ai déjà rencontré d'autres personnes, mais jamais en parlant comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'hypersensibilité, pour moi et pour les personnes que j'ai rencontrées, passe très peu par le discours et la temporalité. Si je le dis pas, personne le sait, en fait. C'est vraiment quelque chose que je vis moi. Donc, par exemple, ce serait difficile pour moi de m'identifier à un personnage par rapport à son hypersensibilité. Parce que pour toi, ce serait beaucoup plus facile parce qu'elle est extériorisée. Ouais. Mais pour moi, sauf s'il tient un journal intime... ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, non, je le verrais pas. C'est intime. Ouais. C'est encore plus dur, quoi. Non, après, je suis contre... je suis contre le fait de hiérarchiser les souffrances de chacun. Et oui, c'est oui, pas, bien sûr. C'est pas plus dur ou... Mais je veux dire, dans la représentativité, c'est encore plus compliqué d'être représenté vu que c'est vraiment de l'intime, quoi. Ouais. Donc c'est encore autre chose, mais ça c'est une question pour plus tard. On va pas régler ce problème ce soir, Léa, s'il te plaît, ne réfléchis pas tout de suite. Une insomnie en perspective. Yes. Il ne manquait que ça à ton bonheur. Hein. Bon, on a beaucoup parlé d'hypersensibilité. Oui. Et ce qui est quand même le ciment, enfin la première couche de notre amitié, je pense. Quand on a préparé cette interview, parce qu'elle est un minimum préparée quand même. Elle est extrêmement préparée. Et extrêmement bien préparée. Et j'ai pas eu le droit de la lire avant. Léa danse parce qu'il y a une reconnaissance de son travail qui est faite. Et du coup, elle est en mode ouh, merci. Au max. Mais du coup, oui, quand on a préparé cette interview, tu as mentionné que tu aimerais bien parler de notre amitié. Est-ce que c'était pour parler de ça ou tu avais quelque chose d'autre en tête? Non, enfin en fait c'était simplement parce que je pensais que voilà, c'était bien de dire genre comment on s'était rencontrés et genre pourquoi et pourquoi on s'était retrouvés là, deux personnes dans la même pièce à parler vraiment de choses intimes alors qu'on se connaît depuis juste septembre en fait. C'est vrai. Et donc du coup ça peut paraître très bizarre et genre je pensais pas, mais en vrai ça a direct matché Et surtout, je suis tellement reconnaissante du respect que tu as envers moi au quotidien. C'est-à-dire que même si tu ne me comprends pas forcément, et même si des fois, tu n'approuves pas du tout mes réactions ou des trucs comme ça, tu as quand même une distance et un respect, en fait, toujours genre de toutes circonstances. Ou alors, il est très intériorisé et je ne vois pas quand tu me condamnes violemment. Je te condamne jamais. J'ai les larmes aux yeux là. En fait, ça me touche parce que tu ne l'as jamais dit que tu avais conscience. Enfin, bref. Mais. Attends, est-ce que tu peux expliquer du coup pourquoi. Pourquoi tu penses qu'il y a des réactions. Enfin, pour les gens qui du coup ne nous connaissent pas, pourquoi tu penses qu'il y a des réactions que je pourrais ne pas approuver, etc. Ah, wow. Les gens vont comprendre maintenant que je suis méchante. Alors parce que donc du coup on est souvent à côté en cours avec Ella et donc je suis une personne qui râle beaucoup et qui a une tendance fâcheuse ou non, pour moi elle est pas trop fâcheuse, à mépriser les gens je crois, ou à en tout cas avoir des réactions sans cesse sur tout. Voilà, je râle, je commente, je dis si c'est bien ou si c'est pas bien, voilà. Et donc, ce qui fait que, en gros, on m'a dit un nombre incalculable de fois « Ah, mais t'es vraiment méchante, Kenza !» Voilà, ça, on me le dit je sais pas combien de fois. Et en vrai, je peux comprendre et je comprends complètement parce que, voilà, je critique, quoi. Enfin, je sais pas, je sais que c'est horrible le pour ciel. Certaines personnes. Voilà, je suis le C. Marion, c'est quand même. Mon Dieu. Et parce que donc certaines personnes nous disent non mais on juge pas, et en fait si, je passe mon temps à juger, parce que pour moi en tant que personne avec des opinions c'est impossible de ne pas juger, sauf que là où mon hypersensibilité est intériorisée, c'est absolument impossible de le garder en moi, ce jugement et cet avis sur tout le monde, tout le temps, voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours un avis sur tout, c'est impossible que je n'ai pas d'avis, voilà. Ok. Et donc je pense que c'est ça qui peut engendrer une condamnation violente de ce que je dis. En fait, moi j'ai jamais de ma vie pensé que je te condamnais. En fait, parce que, ok, moi je vais comparer avec moi. Pour expliquer pourquoi du coup ça pourrait, quel est le conflit. Voilà. En fait, moi j'ai tendance à avoir des avis sur les choses aussi, mais j'ai une sorte de filtre. Je sais pas si c'est de la bien-pensance ou de la bienveillance qui fait que je n'arrive pas à avoir un filtre négatif sur les choses, en fait. C'est juste pas naturel chez moi. Je vais juste, si je vois quelqu'un de moche et qu'il a un truc beau sur lui, je vais voir le truc beau. Et moi je vais voir tout ce qui est moche. Voilà. Mais je vais voir aussi le truc beau, mais je vais dire ce qui est moche, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que je vois tout, mais ce qui va sortir, c'est ce qui est moche. Parce que aussi, c'est ce que je trouve drôle, en fait. Voilà, c'est ce qui... En fait, je rigole beaucoup de ma méchanceté aussi. Je rigole beaucoup de ta méchanceté aussi. En fait, c'est pour ça que je te juge pas. C'est que ça me fait mourir. Mais vraiment. Mais il y a un potentiel comique dans ça qui est incroyable. Genre. Mais. Faut savoir que j'aime beaucoup l'humour qui vient de l'autodérision. Et vraiment, un des trucs qui me le fait le plus rire, c'est quand tu critiques des trucs de moi. Mais vraiment, ça me fait vraiment tellement rire. Genre la fois où t'as enlevé la pince de mes cheveux parce que c'est trop dégueulasse, la pince. Je m'en rappelle même plus. J'étais vraiment en mode Kenza. Je m'en rappelle même pas. Pour dire à quel point c'est la réaction du moment et c'est vraiment pas genre quelque chose que je pense fondamentalement. En fait, c'est juste. Oh non, cette pince est vraiment trop moche. Genre, tu ne peux pas porter ça. Mais voilà, je m'en souviens même pas. Alors que, ça, apparemment, ça l'a vachement marqué. Ça t'a vachement marqué quand même. Parce que. Ça m'était vraiment. Et je ne t'ai plus jamais revu avec une pince d'ailleurs. C'est la vérité. L'influencé. C'est que là, J'en avais une avant d'arriver ici. Et tu l'as enlevée. Et je l'ai enlevée, j'ai mis un chouchou à la place. Et non. Mais oui, je sais que des fois. Je peux avoir des réactions en mode tu vois plus le négatif que le positif, et des fois j'ai des réflexions de moi ça m'intéresse pas forcément de voir le négatif en fait, et du coup des fois je suis en mode ben ça m'intéresse pas de voir ce négatif là, mais du coup je vais te parler d'autre chose. juste je vais pas rester sur... En fait c'est ça, en fait il y a jamais un moment où ça me dérange fondamentalement parce que je vais pas creuser. Mais voilà, oui, quand ça me plaît pas, c'est juste des réflexions. Non, et puis ouais, même on y reste pas des heures, genre on... jamais, non, jamais. Enfin, on s'assoit pas sur un banc et on regarde enfin on dessine une personne ou un truc comme ça, c'est une réflexion en fait en passant à chaque fois, mais c'est voilà, c'est pas le fondement de quoi que ce soit. Bien sûr, et puis si on restait sur toutes les réflexions qu'on se fait de manière impulsive, ouais. Enfin moi c'est pareil, le nombre de choses que je dis aussi, vraiment, parce que c'est pas parce que tu vois le positif que tu dis toujours des trucs intelligents, vraiment, c'est... à l'aide, donc bref. Mais du coup notre amitié, je pense, oui, est basée sur beaucoup de respect. Parce que moi aussi ça me touche beaucoup que tu me respectes, parce que justement comme je sais que t'as ce regard critique sur les choses et que je sais que j'ai des réactions vraiment des fois insupportables, soit parce qu'elles sont stupides, soit parce qu'elles sont spontanées, qu'elles prennent beaucoup de place d'un coup, soit parce que je me comporte pas forcément bien, enfin bon bref. Et du coup comme je sais que t'as cette acuité des choses et ce regard, je me dis que t'es vraiment hyper tolérante avec moi. Ah oui, j'attendais le avec toi. Oui, oui, avec moi. L'intolérance incarnée. Mais du coup, oui, je trouve que ça accorde plus de valeur, parce que tu te dis, si cette personne est tolérante avec moi, c'est que elle m'aime. Oui, oui, oui. Ou que je suis plus cool que je suis chiante, donc que je suis plus belle que je suis moche. Puisque on parle en termes de beauté souvent avec Kenza, parce que Kenza aime le beau. Mais du coup ouais, c'est du respect très très mutuel sur un regard complètement différent aux choses, ouais. Qui est ouais, parce qu'il y a aussi, moi il y a un truc que je suis incapable de faire, c'est je suis incapable de blesser, je suis capable d'être méprisante mais jamais directement, parce que j'ai une angoisse profonde de faire mal à quelqu'un, genre si je fais mal à quelqu'un je fais mal x10 sur moi-même. Ah ouais. Ce qui est insupportable à vivre. Alors que sur moi ça n'a absolument aucun ricochet, enfin ou non, ouais, c'est non. En fait, je fais trop la meuf sans sentiment alors que je viens juste de dire que j'étais hyper sensible. Non, c'est pas du tout. Crédibilité. Ça non, non, forcément, ça ricoche. Mais par degré. C'est-à-dire que si vraiment je vais faire mal, si je vais bloquer quelqu'un, c'est quand même un minimum réfléchi. C'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. Genre, elle a maturé en moi. Et donc du coup je me suis préparée à cette douleur que j'allais recevoir, mais vraiment si enfin c'est pas faire du mal pour faire du mal à la personne, c'est ça revient toujours à se protéger soi en fait. Je vais jamais aller voir quelqu'un lui disant ah oh, putain t'as vraiment une sale gueule aujourd'hui, tu vois, juste pour oui, bien sûr. Parce que c'est un commentaire que j'ai dans la bouche en fait, non pas du tout, c'est absolument pas le but, c'est juste ah voilà c'est sur ma langue, il faut que ça sorte, tu vois. Mais il n'y a pas de but en fait, c'est juste... Ben oui, voilà, c'est pour ça, c'est là, et on l'accepte, ou pas, mais si on l'accepte pas, on n'est pas mon ami. Mais c'est ça, non, mais potentiel comique beaucoup trop grand pour ne pas être accepté. Vraiment, ça éclaire mes journées. Et puis, de toute façon, comme on est tous le con de quelqu'un... Mais c'est ça. genre, je sais qu'il se passe la même chose sur moi aussi, et je l'accepte... Enfin, ouais, voilà, c'est le karma, quoi. Le karma... Oui, et puis je fais l'innocente, mais enfin avec Sarah, que vous avez vu dans l'épisode 2, MDR. MDR, c'est parce que je fais des références à mes podcasts et que je considère que ça veut dire que je me prends à sérieux. Du coup, j'ai dit MDR. Bref, on arrête cette réflexion tout de suite. Mais avec Sarah, on avait vraiment beaucoup tendance aussi à critiquer les gens. Mais on se justifiait dans le sens où on critiquait avec ce que les gens nous donnaient. C'était jamais critique pour critique, tu vois. C'était si aujourd'hui t'as été gentil, on va t'aimer. Si le lendemain t'as été un con... on te déteste, tes actions te définissent. On était vraiment très comme ça, donc je ne suis pas non plus angélique comme elle aimerait le faire croire, comme j'aimerais le faire refléter, non non. Beaucoup de médisance en ma personne aussi. Mais ça aussi c'est un peu l'hypersensibilité. On a beaucoup parlé de relations, oui. Et comme ce podcast s'appelle Intimité Partagée, j'ai une question que j'aimerais bien poser de plus en plus souvent. C'est pas encore là, c'est avant. Qui est. Oui, parce qu'elle a montré quelque chose sur mon carnet, parce que c'est pas très radiophonique ce que je viens de faire. Elle a montré quelque chose sur mon carnet alors que j'en suis pas encore là du tout. Mais la question c'est, est-ce que. Qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un avant de partager de l'intimité, que ce soit en amitié ou en amour? Oh La vache, je me suis vraiment jamais posé la question. Ouais. Genre en fait, je crois que je recherche rien de conscient chez les gens. Ça le fait ou ça le fait pas. Ouais. Enfin déjà, c'est ce que les gens me donnent. Genre je vais pas aller chercher quelque chose au fond d'eux ou voilà. Enfin, je vais pas me dire... Ah, mais non, il devrait agir comme ça envers moi. Je sais qu'il a ça au fond de lui et c'est ça que j'aimerais qu'il ou elle me donne. Enfin, oh là là, je sais pas du tout. Ce que je recherche, c'est quelqu'un. En vrai, en plus, j'ai des amis tellement, tellement différents. C'est vraiment très, très hétérogène. Non, je vois aucun point commun principal entre vraiment tous mes amis de tous mes cercles différents. Bon, j'en ai pas 3 milliards, hein, je suis pas hyper sociale. Mon frère rigolerait s'il entendait ça parce qu'il me traite d'asociale à longueur de journée. Mais j'ai quand même quelques amis et des bons amis, des amis en or, voilà, c'est le petit instant référence. Mais ils ont pas un trait de caractère que je retrouve à chaque fois et je passe des moments extrêmement différents avec eux. Enfin, il y a des amis avec qui je sais que c'est pas des amis pour sortir. C'est des amis du jour, on va dire. Il y a des amis, c'est des amis du jour et la nuit. Il y a des amis, c'est que des amis de la nuit, en fait. Et donc, du coup, rien que ça, ça montre... enfin, le fait que ce soit... tellement différent. Enfin, en fait, on peut pas trouver un trait de caractère hyper commun à chaque fois. Voilà. En fait, c'était une longue réponse pour pas grand-chose, pour juste dire que... non, je recherche rien en particulier. En fait, c'est des attentes qui se formulent au fur et à mesure que j'ai compris la personne et que j'ai compris ses limites, je crois. Que je crois avoir compris ses limites. Et donc, du coup, mes attentes s'adaptent quand même relativement aux personnes. Mmh. Parce que je vais pas attendre des trucs incroyables quand je sais qu'on n'est pas capable de me donner ça. Ça, mais... c'est du respect aussi. Oui, oui, oui. Je pense. C'est ce que j'ai remarqué. Enfin, tu le fais beaucoup avec moi. Enfin, je le remarque parce que c'est vraiment très rare. Tu fais beaucoup constater mes limites et du coup me les avancer pour me dire tu n'as pas à les dépasser dans cette relation. Oui. En fait, mais il n'y a qu'avec toi que je le fais. C'est-à-dire que comme je sais que tu fonctionnes dans le fond comme moi, en fait, on prend beaucoup de précautions quand on se parle. On se dit tout le temps mais attends. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas, ou si t'as pas envie, enfin je comprends, en fait on se dit tout le temps, mais je comprends que, voilà. Et donc du coup, oui c'est ça qui fait que c'est une relation aussi extrêmement agréable, parce que y a des gens avec qui on se sentirait forcé de manger avec, ou de parler de ça, et juste des fois, enfin on pourrait très bien se voir le matin, juste dire bonjour et dire, bah désolé j'ai pas envie de parler, et genre ok y a pas de souci, c'est pas que je t'en veux à toi, c'est juste que... aujourd'hui, c'est comme ça et voilà, respecte-moi, c'est tout. J'ai pas envie... En fait, voilà, je me sens vraiment très très libre d'exprimer tout ce que je ressens en bien et en mal avec toi. Et vraiment de pas me forcer, en fait. C'est-à-dire que je me force vraiment quotidiennement dans beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de relations, en fait. À l'écoute, à parler, à rigoler, voilà. Enfin, pas souvent à rigoler quand même, mais... je fais un effort social qui outrepasse mon besoin quotidien. Et donc du coup, je sais qu'avec toi, si j'ai pas envie de le faire, voilà, je le fais pas. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont gênés d'être avec une personne dans une voiture sans se parler. Et moi, je peux rester une heure comme ça sans ressentir de gêne. Enfin, des fois, on ressent vraiment qu'il y a des moments gênants. Mais vraiment, je me sens pas obligée de parler forcément avec les gens, ou d'avoir des discussions très intéressantes. Ou, enfin, voilà. Et donc, avec toi, c'est vraiment le cas à 100% tout le temps. Et toi aussi, c'est pareil. Enfin, je sais si tu me dis... enfin, souvent, on s'envoie des textos en cours si ça va pas. Genre à l'autre bout de la salle. Désolée, j'ai pas envie de parler. Voilà, et donc c'est du coup... tu refuses ça. Ouais, clairement, et ce serait tellement plus simple si tout marchait comme ça. C'est-à-dire que c'est impossible de dire à des gens qui ne te connaissent pas vraiment, bah non, en fait, c'est rien contre toi, c'est juste que j'ai pas envie de parler en général aujourd'hui. Ou des fois, c'est pas envie de parler, mais à une personne en particulier. Mais souvent, la personne n'est pas assez, j'allais dire intelligente, mais c'est beaucoup un jugement, mais je vais le dire quand même, n'est pas assez intelligente des sentiments pour se dire, enfin pour comprendre en fait, il y a des humeurs où on peut parler avec certaines personnes et pas avec d'autres. Et ça, des fois, les gens ont du mal à le comprendre sans le prendre extrêmement personnellement. Mmh. Voilà. C'est vrai. C'est... Faut qu'on avance dans cette interview, mais enfin, c'était la première hypersensible que j'interview et c'est tellement important pour moi qu'on en parle. Mais c'est vrai que la médisance est aussi très très reliée au fait que quand t'es hypersensible, t'as un sens du respect de l'émotion de l'autre qui est quand même très décuplé. Mmh. Et du coup, forcément, si tu vois qu'en face de toi, t'as une personne qui est incapable de faire ça, parce que là, c'est de l'incapacité, oui, t'as forcément un sentiment de supériorité de... Je suis capable de te protéger, tu n'es pas capable de me protéger. Ouais, j'ai une intelligence émotionnelle qui est plus grande que la tienne. Ça se trouve, tu sais même pas ce que ça veut dire, intelligence émotionnelle. Apprends. C'est pour ça que je dis c'est le turfu et qu'il faut qu'on soit visible, parce que si toutes les relations avaient conscience que le respect émotionnel c'est quelque chose d'important, ce serait tellement simple. Ouais. Genre, on serait pas obligé de faire les choses quand on n'aurait pas envie de les faire. Voilà, ouais. Mais surtout, moi, de se forcer, enfin pour moi, c'est vraiment dans le sens relationnel. Ouais, ouais. Pas de se forcer, je sais pas, à travailler ou des trucs comme ça, mais à... Voilà, par exemple, si j'ai envie de passer tout un repas sans parler, bah, de pouvoir me sentir bien de le faire et de pas avoir... Et toi, qu'est-ce que tu penses de... voilà, juste, bah, ok, d'être assis. Si chacun a envie de manger parce qu'il a ultra faim et n'a pas le temps de parler dans cette action, ou juste n'a pas envie, ben voilà, genre de ne pas ressentir une gêne sociale à l'absence de parole. Mmh. C'est-à-dire que le terme de « oh, il y a un blanc », c'est vraiment la chose la plus horrible qui soit et la plus énervante. C'est-à-dire que non, tout n'a pas besoin d'être rempli, en fait. C'est ça, on n'a pas rentabilisé notre temps par la parole. Enfin, peut-être que c'est un plus beau moment aussi, le silence, parfois. Ouais, c'est précieux de s'en rendre compte. Mmh. Et les gens s'en rendront compte parce que je suis optimiste. Et grâce à ce podcast, Inch'Allah. Yes, Inch'Allah. Faites grandir votre intelligence émotionnelle. Que vous soyez sensible ou non, il n'y a pas besoin d'être sensible pour être intelligent émotionnellement. Et n'ayez pas peur des blancs. Et n'ayez pas peur des blancs. C'est très racisé comme ça. D'un point de vue sentimentalo-centré, évidemment. Disclaimer. Ouh, j'aime l'humour. Ok. Je n'ai pas de transition. Nous sans passons transition à la partie de l'interview qui va parler de corps et de sexe. Maman, n'écoute pas. Maman, c'est le moment où tu arrêtes. Puis sur pause. Les mamans peuvent passer aux 5 dernières minutes de l'interview. bonjour Kenza. Bonjour Ella. Comment se passe le sexe et la masturbation pour toi, d'abord? Alors, ah oui, c'était... Tu continues la question? Ouais, ouais, c'était très maladroit. C'était très maladroit comme façon de commencer le truc. Je commence par quoi? Je commence par la masturbation. Ok, elle est inexistante chez moi. Enfin non, en fait, elle a existé genre au collège. Et puis en fait, bah, je pense que je savais pas faire. Et ça me gênait plus qu'autre chose, en fait, je crois. Enfin, je sais pas. En fait, je ressentais vraiment aucun plaisir. Et après, pour moi, ça a été très vite lié au tampon, en fait, de se mettre un tampon. Pour moi, c'était pareil que de se mettre un doigt. Et donc, du coup, voilà, ça a été, en fait, assez associé à un sentiment de corps étranger, mais pas du tout agréable. Ok. Voilà. Donc, du coup, et puis en plus, à partir du moment où j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, j'avais des copains, donc en gros j'ai eu deux partenaires sexuels dans ma vie pour l'instant. Et donc du coup en fait, que je voyais assez régulièrement, donc on couchait en fait assez régulièrement ensemble. Et donc du coup j'avais pas besoin, en fait je ressentais pas de vide sexuel que j'avais besoin de combler par une, enfin que des gens comblent par une masturbation. Donc du coup c'était vraiment... bah ouais, lié à un truc à deux en fait. Pour moi, en gros, un plaisir solitaire, ouais, c'était pas trop envisageable. Parce qu'en fait, du coup, je rebondis sur le sexe. Pour moi, c'est très lié à des sensations. J'ai besoin de sentir la peau de l'autre et tout. Enfin, tu vois, de toucher, enfin, tout, en fait, de sentir tout le corps et tout. Donc, du coup, genre, réduire ça, je sais pas, à un sextoy ou à des doigts. Enfin, tu vois, pour moi, ce serait... Enfin, ça comblerait pas du tout et je trouverais ça trop triste parce que vraiment, genre, l'odeur et le toucher et tout, ça a tellement une place importante pour moi. Genre, c'est limite ce qui est le meilleur, tu vois. Enfin, c'est ce que je retiens à chaque fois presque. Et donc, du coup, non, en fait, la masturbation, c'est trop faible, / insuffisant pour moi. Est-ce que... Tu penses que ça peut avoir un lien avec ce que tu disais tout à l'heure de pas... que tu t'épanouissais quand tu n'étais pas centrée sur toi, mais déplacée sur l'autre. Ah. Est-ce que tu penses que ça a un rapport ? Je n'avais pas fait ce lien. Et je suis moi-même étonnée. Incroyable. Tu es incroyable. En vrai, peut-être. Certainement même. C'est-à-dire que, oui, je me positionne difficilement comme la source de mon plaisir. Et yes, ouais. You won. Ding ding. Mais du coup, c'est est-ce que ton plaisir vient du fait de donner du plaisir à l'autre ou c'est pas... tu as besoin de l'autre pour avoir du plaisir? Les deux, mais surtout la deuxième. D'accord. Et du coup, ben je sais que c'est assez triste parce que genre je suis totalement ouverte à la masturbation et tout et je trouve ça incroyable la manière dont les gens en parlent. Genre pour certains, c'est vraiment une véritable libération et c'est un moyen aussi d'émancipation de se dire ben en gros non j'ai pas du tout besoin d'un mec pour ou d'une meuf selon qui vous êtes pour ressentir un plaisir sexuel en fait et genre je suis là waouh je suis impressionnée ça doit être génial de ressentir ça mais en fait je suis gênée c'est pas du tout mon cas et donc là de ce côté là j'ai l'impression d'être un petit peu à côté d'un courant féministe dans le sens où je me dis ouais la masturbation c'est un truc hyper important et de tout le truc du clitoris et tout mais de ouais je connais trop mon corps et je sais me faire plaisir plus que l'autre ne sait le faire et en fait non moi c'est l'autre qui sait plus le faire que moi-même en fait. C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que quel que soit l'endroit où on se place sur la masturbation féminine t'es pas dans la norme. Il n'y a pas de normes, j'ai l'impression, de la masturbation féminine. Tu vois, il peut y avoir d'autres normes. Enfin, genre, un courant, genre la masturbation féministe, par exemple, ou genre l'émancipation, etc., dont tu parles. Mais beaucoup de personnes qui se masturbent et qui peuvent se sentir émancipées, il n'y a tellement pas de représentativité que c'est quand même tabou. D'accord, et que c'est quand même pas dans la norme. Ouais, c'est parce que du coup, ouais, c'est par rapport à moi, c'est parce que je regarde. Enfin, mais oui, du coup, voilà. Je suis mademoiselle, donc je vois souvent les articles, etc. Ça. Donc pour moi, ça représente vraiment en fait la norme c'est ça. De masturbation. Mais oui, c'est Est-ce vrai. Que t'en complexe de pas être dans cette norme de masturbation ? Complexe, je pense qu'il faut un autre pour le savoir, pour avoir un complexe. Enfin en tout cas par rapport à la masturbation je sais pas un regard tu vas dire ouais voilà il faut que les autres le sachent pour ou le voient en fait et comme par essence c'est quand même quelque chose d'assez solitaire non je pense pas que je sois complexée j'ai pu l'être ouais vraiment genre peut-être l'année dernière parce que du coup j'ai des copines qui m'en parlaient et tout tu vois et moi je répondais rien à ça en fait parce que déjà j'avais rien à dire et ouais je me sentais gênée ça sort un peu du cadre de la masturbation mais après on y revient mais c'est comme avec un super ami à moi il m'avait envoyé une publication sur Instagram et en gros ça disait que on était très vieille école et on se sentait assez arriéré quand on n'est pas gay enfin genre homosexuel enfin tu vois ça ou alors noir ou transsexuel enfin voilà ça représente vraiment une espèce de modernité et moi j'ai l'impression d'être super ennuyante je sais jamais ce qu'on dit à côté je me masturbe pas je suis blanche je suis hétérosexuelle enfin tout ce qu'il y a de plus de plus boring au monde enfin tu vois genre ouais dans ce sens-là complexé tu vois de de pas avoir de revendications à porter pour moi, voire pour les autres et pour une libération, ok, oui, totalement, mais dans mon intérêt propre. C'est incroyable parce que du coup, ça crée une sorte de complexe de la norme. Voilà, c'est ça, ouais. Ou d'une norme qui serait ancienne, alors ouais. Que le but, c'est juste qu'il n'y ait plus de normes et qu'on soit tous notre norme, quoi. Mais là, après, du coup, c'est hyper excessif et ça me victimise légèrement, alors que c'est pas du tout... Oui, bien sûr que non. Le bienvenu, comme... Oui, oui, bien sûr. Truc. Bien sûr que non, mais j'ai l'idée. Enfin, je sais pas si je te l'ai dit, donc je vais le dire là, mais mon rapport à la masturbation, c'est que je le faisais pas du tout. Et il y a vraiment eu une période de ma vie où j'avais conscience que je le faisais pas et que les gens autour de moi le faisaient. Et toi, tu parles de gêne, c'est assez modéré quand tu en parles. Moi, c'était vraiment un mal-être extrême de... D'accord. Où là, je ne suis pas normale, il y a quelque chose qui fonctionne pas chez moi. Et vraiment, lire Mademoiselle aussi, c'était un truc de... Mais ça existe, les gens le font, pourquoi? Et mais du coup, toi, c'est pas un mal... Enfin, toi, c'est quelque chose qui dure de toute façon, donc c'est quelque chose que tu comprends et que tu connais chez toi. Et puis, c'est vraiment très secondaire pour moi. Enfin, d'accord. C'est pas du tout une obsession. J'y pense pas du tout tous les jours. Enfin, voilà. Ok. Et puis, le fait que ce soit vraiment de l'ordre de l'intimité, ça aide. Enfin, c'est pas un comportement qu'on va remarquer comme étant déviant. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir des paroles qui disent « Alors ». Il y a un tabou sur la masturbation féminine, donc on croit que la norme c'est que les filles le font pas, mais en fait quand on a 20 ans, qu'on découvre le féminisme, tout ça, on se rend compte que la norme c'est de le faire, ouais. Mais il y a quand même des personnes qui ne le font pas en le sachant. C'est ça. En sachant que c'est tout à fait normal et voilà, ces personnes existent aussi, voilà. J'existe. Ouais, je trouve ça important. Ok, la masturbation c'est relié au corps. Pire exhibition de transition. Non mais vraiment, cette interview, je vais même pas titrer Kenza, je vais titrer les transitions. À l'aide. Écoutez juste pour les transitions. Ça vaut le coup. Et oui, cette personne a fait prépa et maîtrise les transitions. On sait pourquoi je suis pas allée au bout de ma cagne. Je n'ai pas passé les concours. À cause des transitions. On l'a viré avant. Il y a moyen. Oui, je trouve que tu as un rapport au corps très intéressant. Ah. D'ailleurs, tu revendiques que ça t'intéresse, le corps et, ouais, et les aspects du corps. Ouais. Déjà, je vais te laisser parler de ce qui t'intéresse et après, je reviendrai sur des trucs plus précis. Oh, je veux bien que tu me guides un petit peu quand même. Ah, si tu veux que je te guide. Ok. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton rapport au corps, c'est le fait que ce soit relié à ta vision du beau et ta fascination pour le beau et en particulier les en particulier ton rapport au tatouage que je trouve très très intéressant. Parce que du coup... Petit ricanement insupportable. Oui, parce que Kenza a eu un rendez-vous avec une tatoueuse qu'elle voulait vraiment vraiment beaucoup. Et qui est trop chère. Mais qu'elle a. Mais que j'ai. Tu as ce rendez-vous. Donc voilà, avant 2020, j'aurai au moins 4 tatouages. Yeah. Petite danse de la joie. Yeah, carrément. Voilà, bref, c'est trop bien. Mais du coup, oui. Le tatouage comme façon d'embellir ton corps. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un ornement. En fait, je trouve que c'est incroyable. Déjà, je vais peut-être revenir sur mon rapport au corps de base. Tu veux la chaise? Non, tout va bien. Je trouve vraiment d'équilibre. Waouh. C'est deep. Donc je vais revenir sur mon rapport au corps, on va dire, sans les tatouages, pour après introduire les tatouages. Donc, on va dire que j'ai toujours eu l'impression d'être trop grosse, alors que quand je regarde des photos maintenant de moi quand j'étais, on va dire, au collège, clairement, j'avais un corps de rêve, quoi, actuellement, pour moi. voilà, genre mes cuisses se touchaient et c'est toujours, et ça a toujours été un complexe absolu. Donc déjà, voilà, en fait, avec la puberté, la pilule, merci les hormones, voilà, j'ai grossi. Maintenant, en fait, je serais incapable de te dire mon poids actuel parce que je ne me pèse pas beaucoup. En vrai, je pense que je suis autour de 58, 59 kilos, je pense. Voilà. Donc, je trouve trop. Genre, en vrai, j'aimerais grave perdre du poids parce que je me sens pas très très bien dans mon corps. Genre, j'ai un peu de ventre. Mais surtout, en fait, j'ai plutôt un haut du corps relativement fin. Relativement, et très important. Mais du coup, je stocke ma graisse dans mes fesses et dans mes cuisses. Donc du coup, en fait, c'est très bizarre. Genre, pour beaucoup de personnes, en fait, elles sont dans le ventre. Et moi, c'est pas tant dans le ventre, c'est plutôt en bas. Donc du coup, j'ai des cuisses qui se touchent, ce qui me complexe énormément. Et ce qui fait très mal l'été quand on transpire et qu'on porte des robes. Voilà. Donc, de base, ce sont des problèmes gênants. Genre, quand t'es affaissée sur toi-même, comme je le suis actuellement assise en tailleur, je sens tous les plis de mon ventre. Et ça peut être source de complexe. Ou quand tu es assise dans le bus et que le bus passe sur des ralentisseurs et où tu te sens rebondir. Hashtag truc de meuf grosse. Voilà, ça, c'est des petits tips qui... Enfin, non, pas des tips du tout, mais... C'est des choses de remords. C'est des choses au quotidien, des petits reminders, voilà, ouais. Qui te disent ouais, mais tu vois, t'as du gras gros, quoi, un petit peu, voilà. Donc il y a ça. Je me suis un peu perdue. Donc là, t'étais en train d'embrayer sur tes complexes pour après partir sur ta vision du beau sur le corps, embellir ton corps. C'est ça, sur mes complexes. Je crois que du coup que je les ai tous dit. On va dire que j'ai une vision des gens qui est esthétique, mais que je ne l'applique pas à moi-même. Je me trouve pas belle ou moche, en fait. D'accord. Voilà. En fait, je suis absoute de cette vision, bien que j'ai des complexes qui soient présents. Donc... Par rapport à ça, du fait que j'ai quand même du mal à accepter mon corps, mais j'ai des amies en prépa qui m'ont énormément aidée à l'accepter parce qu'elles avaient une vision très libérée d'elles-mêmes. Donc par exemple, un truc vraiment débile, mais maintenant je ne porte presque plus de soutien-gorge, genre c'est vraiment rare quand j'en porte. Et c'est grâce à elles en fait parce que elles en portaient presque jamais, genre c'était vraiment très anecdotique. Et du coup, que t'aies des seins beaux, moches, voilà... C'est tellement plus pratique de ne pas porter tout ça en gorge et c'est tellement plus agréable que ben voilà, j'ai fini par adopter ça. Et il y a 3 ans, ça aurait été absolument impossible. Mais voilà, donc du coup, c'est des personnes qui m'ont aidée à accepter un peu mon corps. Mais j'étais quand même la plus grosse de mes copines, on va dire. Enfin, voilà. Donc du coup, un peu compliqué quand même à gérer. Et donc, les tatouages, je trouve que ça, c'est un peu une formidable revanche sur... le corps qu'on est obligé d'accepter et avec lequel on est obligé de cohabiter, parce qu'en fait j'aimerais bien maigrir mais je crois que j'ai pas du tout la volonté et j'aime tellement manger du fromage, cf le début de l'interview, et du chocolat et des kouyaman et du caramel et des crêpes et tout, en fait, que je me priverais trop. Et c'est vraiment trop un plaisir pour moi de manger, et surtout de manger des cochonneries, en fait. Et donc du coup, je pense que même si j'arrive à perdre du poids, genre j'en reprendrai immédiatement. Ou alors il faudrait vraiment que je perde du poids. En fait, une fois le poids perdu, je pense que ça irait, je ferais vraiment attention. Mmh. Mais ce processus de perte serait vraiment trop dur. Et même le fait de tout le temps faire attention à ce que je dois ingérer, voilà. Donc du coup, les tatouages, c'est vraiment... Je rectifie le tir, en fait. Et je mets des choses belles sur ce que je trouve pas beau à la base. En tout cas... pour l'instant, je vais pas me tatouer les cuisses parce que c'est pas une partie que j'aime et que j'ai au fond de moi un immense espoir de perdre et de maigrir des cuisses, même si je me dis que me trouver grosse, enfin avoir plus de peau qu'on le voudrait, c'est quand même plus de place pour des tatouages. Donc dans un sens, c'est pas si et mal c'est pas que con, ça. Ça, ouais. Ça fait plus de couenne à tatouer. Voilà. Quel donc, beau mot. Voilà, c'est un peu mon approche du tatouage. Et pour moi, c'est pas du tout, enfin en tout cas, ce que je vais faire n'ont aucune signification de moments difficiles de ma vie ou de trucs comme ça. C'est juste insérer du beau. Et en fait aussi, je me suis dit il y a pas longtemps que, par exemple, si à un moment ça allait vraiment pas, que une personne m'avait rabaissée ou quelque chose comme ça, en fait j'aurais juste à regarder mes bras, me regarder mon corps et voir des choses que j'aime sur moi. Et en fait, j'ai compris ça il n'y a pas très très longtemps, mais c'est comme recréer mon univers, l'univers de ma chambre sur moi en fait. C'est me sentir bien partout où je suis, avec des choses que j'aime sur moi à n'importe quel moment. Et c'est, bah voilà, bon, vous avez compris, c'est des tentatives vaines de se rassurer en permanence. Vaines, je sais pas, pas forcément. Ouais. Mais voilà, je me dis que ça va pas bien. Hop, je regarde ma cheville, un tatouage. Waouh, incroyable, ça va mieux. Non, mais c'est exactement comme ça que je vois le tatouage, donc. Pour voilà. Moi, c'est pas bon. Okay. Voilà. Est-ce que je peux rapprocher, ou tu me dis si c'est pas pertinent, ton rapport au tatouage et ton rapport aux bijoux ? Oh oui, oui, oui, ouais, oui. Totalement. Donc, je suis Madame Bijoux, c'est-à-dire que j'ai plein de bijoux partout. J'ai des bagues, j'ai des bracelets, j'ai plein de colliers. J'adore les boucles d'oreilles et les piercings. Et je suis extrêmement matérialiste vis-à-vis de ça. Je peux vraiment claquer toute ma thune dans des bijoux. Parce que, voilà, encore une fois, ce sont des ornements. Mais les bijoux, pour moi, c'est un peu plus que ça. C'est quand même un peu des talismans aussi. Il y a un côté un protecteur, voilà. Et comme j'aime tout ce qui est beau, mes bijoux sont forcément les plus beaux du monde. et voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus. Mis à part que quand j'ai l'obsession d'un bijou en tête, ça devient vraiment un objectif de vie et une obsession de tous les instants en fait. Tant que je n'ai pas ce bijou, c'est pas possible. Et c'est vraiment, pour ceux qui ont un peu écouté leur cours de philo en terminale, c'est vraiment l'idée du désir. Qui est à son maximum d'intensité quand on le désire, mais une fois qu'on l'a, ça redescend quand même grandement. Enfin, le désir est vraiment relativisé. Alors après, j'ai toujours du plaisir, mais c'est beaucoup moins intense voilà, que quand je le voulais absolument, et où c'était mon moteur, c'était limite ce qui me faisait me lever le matin, quoi. Enfin, c'est vraiment un rapport potentiellement malsain en fait, de tout projeter dans un objet. Deux choses. La première, c'est que l'idée de talisman, ouais. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les personnes qui se tatouent aussi, qui mettent plein de gros colliers. Ouais. Dans l'idée que, je crois que c'était, elle s'appelait Swan Neptune. Oui. Tu connais ? Elle est très bizarre. Elle est très dépressive. Oui. Mais elle est autiste aussi, je crois. Ouais, elle a plein de troubles mentaux. Ouais. Mais elle disait que son rapport au tatouage comme au bijou, c'était vraiment des couches de protection en plus. Mmh. Et que ça la rendait plus... C'était une armure en fait. Ouais. Et je trouve cette vision belle, surtout quand t'es sensible, de te dire que c'est pas que être matérialiste, c'est quelque chose qui te donne de la force. Et parce que c'est pas toi, mais en même temps, c'est quand même toi. Mmh. Enfin, ouais. C'est vraiment quelque chose entre toi et le monde, quoi. Et qui fait une sorte de transition. Ouais, je suis plus trop ce qu'elle fait en ce moment parce qu'elle me déclenchait des crises d'angoisse. Ouais, ouais, elle est des fois très angoissante. Très angoissante, mais elle a elle a certaines belles idées et certaines vidéos qui sont vraiment très très très très chouettes. J'en mettrai quelques-unes dans la description. Notamment où elle parle de ses tatouages, j'en ai vu il y a pas longtemps. Elle est assez cool et elle a des belles pièces quand même. Oui. Oui, voilà. Très très belle. Elle a une façon de réarranger ses cicatrices aussi qui est incroyable. Oui, et la deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'était le fait que tu mettes tout ton mental, toute ton énergie sur ça. Est-ce que tu penses que c'est une manière de réorganiser une sorte de chaos ou de désordre intérieur, mais déplacé vers l'extérieur ? Est-ce que tu veux que je reformule ? Déplacé, mais pas forcément réorganisé. Ok. Il est centré sur quelque chose, mais c'est juste une grosse boule de fouillis que t'as concentré et mis dans quelque chose d'autre. Ouais, on pourrait le voir comme ça, mais encore une fois, je réfléchis pas trop à tout ça. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment... c'est pas du tout une projection consciente, en fait. Donc du coup, c'est instinctif et je sais pas si c'est vraiment mon intériorité que je projette dedans. Ouais. Mais en tout cas, c'est un espèce de trompe-l'œil pour me décentrer de mes émotions quand elles sont trop présentes, en fait. C'est-à-dire que, en fait, si j'achète plein de bijoux, c'est que je suis vraiment pas bien. Voilà, on peut le voir comme ça. Si j'ai plein de nouveaux bijoux, etc., c'est vraiment que j'ai eu besoin de... pas de tromper quelque chose, mais de m'en décoller pour un instant, en fait. Enfin, pour un moment. Voilà. Jusqu'à ce que je reçoive le bijou, en fait. C'est un peu ta façon de survivre, tu ouais, penses ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un mode de survie. Oui, absolument. Je comprends. Enfin, je comprends. Oui. Et donc là, c'est le tatouage, le prochain. Voilà, je ouais. ralentis sur les bijoux et le tatouage prend le relais, en fait. Ouais. J'ai trop hâte que tu sois tatouée, par contre. Moi aussi. Magnifique. C'est très, très beau. Ouais, mais j'aime cette vision aussi de... Est-ce que tu rattaches ça à de la féminité ? Ou pas du tout ? Le tatouage ? Tout, ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que la féminité est tellement déconstruite en ce moment, et il y a tellement de femmes différentes. En fait, pour moi, le concept, il n'a plus vraiment de valeur. Alors, je veux bien parler de féminité au sens traditionnel, on va dire, de la femme qui porte des robes, qui se met en valeur et qui met du rouge à lèvres. Oui, les bijoux, ça peut en faire partie. Encore que, en fait, c'est plus comme une extension permanente de moi parce que je les enlève jamais. Enfin, vraiment, mes bijoux, c'est un critère de sélection. Ils doivent pas rouiller parce que je supporte pas de les enlever, de les remettre, en fait. Voilà, ils sont là. De temps en temps, je change les boucles d'oreilles, etc. Mais non, vraiment, le critère, c'est de les garder tout le temps sur moi. Donc, c'est même pas un soin que je prends chaque matin de le faire et donc qui pourrait être associé à la féminité. Enfin, c'est vraiment... comme on maîtrise, enfin non, pas ses lunettes parce qu'on les enlève, mais je sais pas comment dire. Non, une extension de toi, c'est une bonne façon de le dire, je trouve. Voilà. Genre, faut que ce soit toujours là. Mais du coup, c'est pas pour être plus féminine. Ouais, ok. Le maquillage et la coiffure, ok, je veux bien, mais les bijoux, non, pas trop. Ok. Puisque je trouve ça joli, en fait. D'accord, ouais. Voilà. Et donc, je pense que si j'étais un mec, ce serait exactement la même chose. Genre, ok. Voilà, c'est parce que je trouve ça beau. Et je trouve ça incroyable d'avoir fait des choses qui peuvent se mettre sur les doigts, genre j'imagine les hommes préhistoriques s'ils voyaient des bagues, genre ce serait trop bizarre de se dire qu'on a créé des choses qui vont parfaitement sur le corps humain, on s'est adapté au corps humain, genre ok il y a un coup, oh waouh, il y a un potentiel de dingue pour mettre un truc autour, tu vois, genre je trouve ça incroyable. Et puis surtout tout le monde, genre le constat, oh tout le monde a un coup, oh tout le monde peut mettre un truc autour, tu vois, genre on s'est vraiment calé sur des caractéristiques de base, en fait, pour faire ça, pour rendre l'être humain plus beau. C'est bien. Ça m'intéresse beaucoup, ta vision de la beauté. Beaucoup. Mais on va finir cette interview parce que je crois que ça fait vraiment très longtemps qu'on enregistre. J'ose même pas regarder. Si, regarde, s'il te plaît. Je crois qu'on est à... Oui, bientôt 2 heures. On est à 1h58. Je vais quand même poser mes 2 dernières questions. Okay, je fais le plus vite possible. Non, vraiment pas. Moi, je m'en fous si l'épisode dure 2h15. Je pose 2h15. Oh, oui. Je n'ai pas de limite. Ça, je sais. Ce qui compte, c'est que j'aime du début à la fin et que ça apporte aux gens pour moi. Et pour moi, ça va apporter aux gens. Je vais peut-être couper ce que je suis en train de dire là. Parce que du coup, ça éternise. J'éternise en disant que ça éternise. Oui, j'adore. Mais ça apportera aux gens. Mais donc... ça apporte aux gens. Dilemme, si vous entendez ça, c'est que vous êtes privilégié. C'est que j'ai décidé que ça allait vous apporter. Voilà. Je vais sur mes 2 dernières questions. Donc, ouais. La première est, est-ce que tu t'aimes et si oui, comment? Comme ça. Ah oui, tu te démerdes. Ah ouais. Ouais, Bon, du coup, je répondrai pas physiquement parce que physiquement, j'ai répondu que. Enfin, j'ai déjà répondu que c'était assez. Relativement indifférent. Mmh. Et puis en plus, je trouve que ça a pas trop d'intérêt. En plus, j'ai dit que j'avais des complexes, donc c'est un mélange physiquement de répulsion et d'acceptation, en fait. Mais j'irai pas jusque l'amour. Juste, je suis reconnaissante d'avoir un corps parfaitement fonctionnel. J'ai 10 doigts, j'ai 2 jambes, enfin voilà. Parce que je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde et je peux marcher et voilà. Donc ça, oui, j'aime ce côté fonctionnel de mon corps. J'ai pas de gros problèmes de santé. J'ai des problèmes de respiration, mais bah, c'est quand même assez minime par rapport aux problèmes de certains, de certaines autres personnes. Je crois que ouais, j'ai quand même appris à aimer la manière dont je réfléchissais et dont je ressentais les choses. Mais en fait, pour moi, ça pourrait tellement pas en être autrement que... je me figure pas que ça... que je ne pourrais pas ne pas l'aimer, en fait. De toute façon, je suis obligée de l'aimer, je cohabite avec ça, enfin... je suis ça. Donc, s'aimer physiquement, pour moi, c'est pas une condition nécessaire. En fait, pour moi, s'aimer intellectuellement et sentimentalement, enfin, aimer ses sentiments et ses émotions, c'est vraiment absolument nécessaire, en fait, ne serait-ce qu'aux interactions humaines. Voilà. Ok. Ok. Non, ça me va. Je laisse le silence s'installer. Pas de soucis. D'accord. Non, j'essayais de voir si j'avais une réflexion à faire par rapport à ça, dans le sens où tu dis que c'est pas réfléchi forcément, mais... Après, on est à 2 heures, à un aboutissement de 2 heures d'interview, donc forcément ouais. Que ta réponse, elle est réfléchie et qu'elle est en écho avec tout ce que t'as dit, tu vois. J'espère, sinon c'est vraiment inquiétant si j'ai répondu tout et n'importe quoi. Non, c'est très construit et cohérent, je trouve. Ok, je vais arrêter, je vais couper ma pensée, je peux pas laisser ma pensée... Ok, je coupe ma pensée et je pose ma dernière question. Ok. Qui est comment tu te sens maintenant après 2 heures d'interview sur toi? Je suis un peu fatiguée. Je me sens bien d'avoir parlé de tout ça. J'appréhendais un peu parce que c'est pas évident. Parce qu'autant j'ai une maîtrise sur ce que je dis, mais j'ai pas une maîtrise sur les personnes qui vont l'écouter et la manière dont elles vont réagir. Comment je me sens? J'ai un peu peur que ça soit long par moment. J'ai peur de pas avoir été claire parfois. Mais en tout cas, j'ai passé un très très bon moment et j'étais contente de parler de tout ça avec toi. Et c'est vraiment très très agréable. Donc je vous conseille tous de contacter Ella pour ce genre d'interview qui, si vous avez passé une journée pourrie, vous remontera nécessairement le moral. Donc voilà, globalement un mélange de petite peur, de petite fatigue et de satisfaction. Meilleure propagande déjà. Propagande carrément. Publicité s'il te plaît, oui. Enfin promotion. Mais tu me diras comment, quel est ton ressenti une fois que tu l'auras écouté, parce que je sais que... je peux pas dire d'autres personnes, il y a que 2 autres personnes, donc je vais les citer directement. Sarah avait très peur aussi de l'écouter et d'avoir peur de pas être claire ou de s'éterniser. Oui. Et quand elle avait écouté, j'aime bien faire ça parce que du coup vous aussi qui écoutez, vous avez la ouais, réaction de l'autre clair. Qui a écouté son propre podcast. Quand elle a écouté, elle était hyper fière et de l'avoir évoqué, du coup elle avait un regard extérieur. Et elle a vu qu'elle était claire. Et ouais, elle était grave contente d'avoir dit ce qu'elle a dit. Et j'ai hâte d'avoir ton retour à toi qui, ouais, pour moi, est presque le plus important parce que c'est ton regard à toi sur toi-même, ouais, et ce que ça t'apporte vraiment. Et c'est très important. Et j'ai hâte d'avoir vos retours à vous aussi parce que c'est quand même très très important aussi et c'est pour ça que je fais ça. N'hésitez pas à envoyer des messages. Aussi. En rafale. En plus, j'ai un dossier où je screen les réactions et comme ça... Non, mais j'en ai vraiment besoin parce qu'il y a des moments où je me dis, ça ouais, se trouve, ce que je fais, ça sert à rien. Et j'ouvre ce dossier et je vois les gens et je suis en mode, si ça sert à, je sais pas, 2 personnes, ça suffit pour que ça serve ouais, à quelque chose. Et il y a plus de 2 personnes à qui ça sert, donc ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc merci à tous ceux qui envoient des messages. C'est la fin de cette interview. Donc merci beaucoup Kenza d'avoir fait ça avec moi. Merci à toi. De m'avoir accueilli chez toi, j'ai tellement bien mangé. Oh mon dieu. J'ai vraiment très bien mangé, c'est très très beau. Et je suis aussi très fatiguée d'avoir fait cette interview, mais très épanouie et en paix. Et contente et fière. Donc voilà, c'était Ella pour Intimité Partagée. N'hésitez pas à envoyer des messages pour dire vos impressions. Si vous avez des critiques, vous pouvez aussi les dire, évidemment, parce que j'en ai besoin et que je commence. Mais je préfère les compliments, on va se le dire. Non, je rigole, je prends tout. Si vous êtes prêt à prendre ce risque d'intimité avec moi, vous pouvez me contacter. Il n'y a aucune restriction de quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'être un être humain et de vivre. Et si vous écoutez ça, c'est que c'est sûrement votre cas. Voilà, je souhaite une bonne soirée, une bonne journée à tout le monde. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de respect. Et du fromage pour ceux qui peuvent encore en manger, parce que moi je viens d'apprendre que je suis intolérante au lactose. Donc vraiment, tous ceux qui peuvent manger du fromage pour moi. Et surtout ne m'en parlez pas, parce que c'est extrêmement frustrant. Donc voilà, amour et fromage sur vous. Bisous.